Bonjour le Gabon. Bonjour Libreville. Bonjour. Je suis content d'être encore avec vous aujourd'hui. Bonjour frère Bambayeba. C'est ça, mais très content de t'avoir parmi nous. Ouais. Bonjour pour ceux qui viennent d'arriver de nouveau, nouvellement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents que vous soyez parmi nous ce matin. Sentez-vous libre, d'accord? N'ayez pas peur, car quand même vous avez vu n'importe quoi, n'ayez pas peur, c'est pour votre bien. Donc, samedi, s'il y a n'importe quel esprit entre vous et Dieu, ça doit dégager. D'accord, ça doit dégager, vous êtes d'accord? Amen. Donc, si vous avez la goûter aux semences de la sorcellerie, si vous êtes sorcier ou sorcière, mettez ces points sur vivre, s'il vous plaît. Je vous attends samedi. Si vous avez mangé l'iboga, vous allez savoir que le Saint-Esprit dépasse l'iboga. N'ayez pas peur. Si vous avez là touché à la sorcellerie, c'est le moment de dire, demander à Dieu de vous en séparer. Si vous ne vous en séparez pas, vous gardez même à la maison, même dans le ventre, vous venez ici samedi, ça va sortir. Donc mettez le téléphone sur vibreur ou bien sur silence, tout simplement. Sur silence, si vous savez que vous allez... On peut commencer, n'est-ce pas? Inclinons notre tête et prions, d'accord? Père, nous te sommes reconnaissants pour cet autre jour que tu nous accordes, ô Dieu, dans cette ville, Libreville, le Gabon, ce pays que tu aimes également, et où tu as tes élus. Merci Père parce que tu les as amenés nombreux ce matin. Seigneur, les uns et les autres ont quitté leur travail pour venir ici ce matin pour t'écouter, pas pour écouter ces petits garçons. J'ai prié au Dieu de gloire que tu combles leurs attentes et que tu leur donnes surtout de vivre pour te plaire et de comprendre l'importance et l'heure à laquelle nous vivons. J'ai prié au Dieu de gloire que tu nous donnes au Dieu de gloire de comprendre que nous devons tirer la sonnette d'alarme et qu'on doit plus continuer à dormir sur nos lauriers parce que les temps sont proches. Les jours sont mauvais et tu arrives bientôt pour chercher ceux dont là qui te seront consacrés. Je prie au Dieu de gloire que tu touches le cœur des uns et des autres et de tous ceux qui écoutent cette voix-ci maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, préserve ceux qui sont en route encore pour venir. Je prie que tu veilles sur chacun de nous, que tu inclines ton regard favorable dans nos familles. Préserve-nous du malin, Père de gloire, parce que chaque jour les ténèbres nous guettent. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis à votre service. Sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions. Je croyais que nous avions... Oui, mon frère, prenons. Commençons ici. En fait, d'abord, en faisant quelque chose. Levons-nous, saluons-nous les uns les autres. Vérifiez que vous avez salué quelqu'un et que vous avez connu son prénom. Il n'y a pas dit celui qui est à côté de vous. Levez-vous et saluez-vous les uns les autres. Voilà. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oui. Si quelqu'un ne se lève pas, c'est qu'elle est Ali Bongo. Si quelqu'un ne se lève pas, c'est qu'il est le président. Oh, c'est le frère Dimitri. Oui, moi c'est le frère Junior, de Douala au Cameroun. Ah, oh, Dieu te bénisse. Bienvenue. Si une femme ne se lève pas, c'est qu'elle est la première dame. Moi c'est le frère Dimitri. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Moi c'est le frère Junior, de Douala au Cameroun. Natacha. Moi c'est le frère Junior, Natacha. Dieu te bénisse. Oui. Frère Iba. Moi c'est le frère. Il faut que le frère Iba de la Côte d'Ivoire sache qu'il y a notre frère Iba ici. Voilà. Moi c'est le frère du cross. Frère Junior. Dieu te bénisse. Maman Immaculée. Maman Immaculée. Donc c'est toi qui as fait qu'on a appelé Marie Immaculée Conception. Maman Immaculée. Maman Immaculée. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cela va vous permettre d'être détendu. D'accord. Je vais vous dire pourquoi il a fait ces choses-ci maintenant. Regardez très attentivement. Vous sortez d'horizons divers. Pour certains d'entre vous, vous ne vous connaissez pas. Moi, après, j'aurai fini avec vous. Je serai rentré au Cameroun. Vous allez vous rencontrer au marché. Vous allez voir votre voisin, vous dites, ce visage-ci me dit quelque chose. Vous réfléchissez que je l'ai vu ou je l'ai vu ou je l'ai vu où. Quand la personne se sera partie, vous dites, ah, c'est chez le frère Fulbert que j'avais vu. Et nous sommes là autour de la parole. Et la Bible déclare que tous ceux-là qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ d'un cœur pur, ils sont des frères. Donc voilà donc ton frère que tu vois et que tu ne connais pas. Vous voyez? Donc, nous, on ne doit pas fonctionner comme ceux du monde. Vous devez comprendre que si c'est votre frère, ce n'est pas son ethnie qui est le problème. Ce n'est pas la distance qui est le problème. Quelque chose vous lie le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Question. Alors, je disais que ce n'était pas une question autoritaire. Oui. Parce que vous avez souligné que si aucun d'entre nous a mangé du coca. Oui. Et ce qui est sûr, c'est que nous sortons de quelque part. Oui. Et j'étais quelque part. Oui. Donc c'est dans ton ventre, frère. Si tu as mangé quelque chose d'autre, même en dehors de l'Ibouga, en fait, si c'est contre le Saint-Esprit, ça doit sortir. Fait, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé quelque chose en tant que l'Ibouga, mais j'ai eu affaire. En fait, j'étais au christianisme céleste. Mm-hmm. Qui ici connaît ce qu'on appelle le christianisme céleste? C'est cette religion-là qui est à travers avec le vaudou et qui porte le blanc et une marche pieds nus. Ils ont une continuité des rites de vaudou mélangée avec les aspects religieux. Ils ont des rituels avec de l'œuf particulièrement et l'eau. Ils aiment cela. Ils ont la tache rouge, le tissu blanc, les bougies, l'œuf et autres. Ça, c'est les caractéristiques. Donc, tous ceux qui vont dans ces religions-là, vous prenez, que vous l'admettez ou pas, le serpent. On distribue le serpent là-bas. Oui, continue ton histoire, frère. En fait, quand je suis allé là-bas, c'était par l'intermittent d'un ami. Oui. Et nous sommes allés, on nous a reçus, bon, parce que généralement là-bas, c'est des prophéties. Hein. Oui. Et ils m'ont amené pour la première fois, en fait, pour une première fois, je dis une première fois parce que je n'avais jamais fait ça. Oui. Ils m'ont amené faire le pont au vin d'eau là-bas. Au vin d'eau, le pont. Le port. Le port. Là où il y a l'eau. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé. Oui, là où il y a la forêt d'abord, il y a des forêts. Il y a des forêts là-bas. Oui. Nous sommes allés là-bas. Et ils ont pris le parfum 7-7. Il y a un parfum là-bas qu'on appelle 7-7. Mm-hmm. Le parfum qu'on appelle délivrance. Dites à la aux dames qui veulent entrer, venez pas ici, il y a la place ici. Oui, je crois qu'il y a la place de la femme de notre frère. Voilà. J'aime quand les hommes sont galants comme ça. Mais toi, frère, viens parce que tu nous parlais. Viens par ici, comme ça tu nous parles bien. Voilà, je crois que... Ma soeur là, viens. Sentez-vous libre. Frère Fibé, je crois qu'on aura besoin des chaises encore davantage. C'est bon. Non, c'est sa place, la place de son épouse. Elle est sortie par la cuisine. Oui. Mais là où vous êtes assis, là, c'est un long banc, non? Donc vous pouvez mettre tous derrière ceux-ci là, ou bien vous êtes à l'aise là. Ok. Dieu bénisse. Oui frère, on t'a amené dans la forêt pour te sacrifier ou quoi? Dis-nous. En fait, ils m'ont emmené en forêt là-bas. Oui. Je ne sais pas comment on appelle ça. Comme vous venez d'arriver là, veillez à ce que votre téléphone soit éteint, s'il vous plaît, pour que ça ne perturbe pas. Oui. Oui, frère. Ils ont pris les feuilles du raffia. Oui. Ils ont amarré. Oui. De bout en bout. Et c'est comme ça qu'ils m'ont mis un pain blanc. Oui. Et ils m'ont mis ça tout autour. En fait, ils m'ont comme attaché sur l'arbre. Oui. Ils disaient que c'est pour faire la délivrance, c'est de quoi ou c'est de quoi. Oui. Donc on t'attache en faisant la délivrance. Oui, on me met, je suis à deux là. Oui. Et on passe. Tout autour de l'arbre et toi. Tout autour de l'arbre et moi. Voilà. Genre comme m'attacher sur l'arbre en citant les sons. Oui. Et autour. Il y a un seau blanc, après de l'eau à l'intérieur, on a mis les parfums, 7 parfums de délivrance, on a cassé le fond, on a mis dedans. Donc, quand tu quittes de l'arbre là, tout ce qui était sur toi comme vêtements, tu laisses. Oui. Après le bain avec ce seau là. Et ça ne s'est pas arrêté là. La deuxième fondée par Tchoka. Le cap c'est où? Le cap maintenant c'est où? Le cap Estéria c'est à Kamla là-bas. Okay. À la même maintenant. Le monde pas amené en main, c'est juste le choix en brousse. Oui. Oh, ok. Donc, le célèbre arbre avec les cadenas là. Voilà. Ils m'ont amené dans cette zone là maintenant. Attends, voilà. Déjà attends, tu cherchais quoi au juste? Quand t'as entraîné partout dans les forêts. On t'amène dans la forêt pour chercher. Ok, continue ton histoire. En fait, j'ai cherché Dieu. Oui. On m'amène au christianisme céleste, que c'est là-bas. Oui. Où il y a Dieu. Oui. Donc, quand j'arrive là-bas, malgré tout ce qu'on faisait, le cœur en fait n'était pas. Mm-hmm. Mais je le faisais parce que. On me disait que non, au sorti d'ici, au sorti de cela, voilà, voilà. Mm-hmm. Et cette fois-là, on m'amène au cap. On creuse maintenant, cette fois-ci, la tombe. Mmh. Vous dites des gens comme ça, vous avez pour vous que je sens le voir ici. Là. Et nous partons de Libreville avec un tronc de bananier. Oui. C'est-à-dire qu'on coupe un tronc de bananier. Mmh. On part depuis Libreville avec ce tronc de bananier. Oui. Donc quand on creuse dans la tombe, et oui. À côté il y avait une petite rivière. Mmh. Donc quand on creuse dans la tombe, on met le tronc de bananier dedans. Oui. Et moi aussi je rentre dedans. Oh! Vous dites, oh, attendez, vous avez pour vous, ça me dit arrêt. Je me couche donc auprès du tronc de bananier. Tronc de bananier. Mm. Ils ont donc mis le tissu blanc. Oui. En dessous. Ils ont fermé la tombe. Même étant l'intérieur, qu'est-ce qui était dans ta tête? En fait, le fait d'y que tu devais rester le troisième jour. Oui. Vous savez que. En fait, ils ont mis les 4 bougies. Oui. Autour de la tombe. Oui. Donc, étant à l'intérieur, ils étaient en train de citer les sommes. Oui. Donc, tu étais à l'intérieur, tu entendais comment dehors, eux, ils citaient les sommes. J'entendais. Mm-hmm. Et en partant, j'avais tellement peur que j'ai appelé un ami. Oui. J'ai dit, ah, l'histoire, là, je ne peux pas aller seul. On peut me tuer là-bas. Là, je peux arriver là-bas et ne plus revenir. Mm-hmm. J'ai dit, non, le gars, tu m'accompagnes. Mm-hmm. Donc il m'a accompagné avec lui n'était pas Christianisme céleste. Mm-hmm. Mais il m'a seulement accompagné parce que je voulais faire le récit et je disais que j'avais peur. Oui. Donc c'est comme ça qu'il m'accompagne. Et au sorti de là, quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, au sorti de là, il y avait toujours un saut. Oui. Donc quand je suis sorti de là, et comme il y avait l'arrivée tout autour, je suis passé à l'arrivée avec le saut comme d'habitude, avec les parfums, cette délivrance et autres. Mm-hmm. Avec l'œuf, tout ça, je me suis baigné et c'est comme ça que l'eau, comme l'eau coulait, tout ce que j'avais comme vêtement, comme sous-vêtement, tout est rentré dans l'eau. Avec de l'eau. Donc, c'était pour dire que nous sortons tous de quelque part. Mm-hmm. Et au sortir, là, véritablement, je n'ai constaté rien de changé. Au contraire, au contraire, les choses s'empiraient. Mm-hmm. Je me suis donc posé la question, mais. Lorsqu'on fait quelque chose, oui. C'est pour qu'au sortir de là, on puisse voir au moins, on puisse voir la lumière. Oui. C'est-à-dire que si on fait ça, c'est parce que quelque part, on était dans les ténèbres et qu'on espère sortir, n'est-ce pas, de ce pétrin. Oui. Donc je me suis rendu compte que les choses s'empiraient, Et je n'ai véritablement pas hésité de sortir de là. Mm. Donc, bien qu'il disait qu'il faut marcher pieds nus, il faut... non, moi, je n'étais jamais convaincu. Mm-hmm. Je disais non, marcher. Tu portais toi ta chaussure. Je portais moi ma chaussure. Mm-hmm. Les vêtements blancs, tout ça, mm-hmm. moi, je ne portais pas. Oui. Donc, ils m'ont forcé d'aller me baptiser. J'ai dit non, là, je veux tout faire, mais ça, là, je ne suis pas convaincu. Mm-hmm. Donc, le fait que je suis allé là où ils m'ont mis à l'arbre, où ils m'ont mis dans le cercueil, je n'ai pas trouvé. Et surtout tes vêtements qui sont partis dans l'eau. Voilà, mmh. Et je n'ai pas trouvé véritablement ce que je cherchais. Mmh. Parce que je voulais sortir de quelque chose, mais je me rendais compte que j'étais de plus en plus enfoncé là-bas. Oui. Et comme je disais que nous avons vécu des endroits où nous avons été véritablement marqués, pour ne pas dire affectés. Oui. Et au christianisme, ce qui se passe là-bas, c'est qu'on vous force obligatoirement de prendre une fille à l'assemblée. Oui. Mmh. On te donne une femme là-bas. On te donne une femme. Une jeune sirène des eaux. Ah, mais. Exactement. Mm. On vous oblige à prendre une femme à l'assemblée. Mm-hmm. Et... Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la majorité de ces filles-là tombent enceintes, on enlève l'enfant pour jeter dans les eaux. Vous ne saviez pas cela? Non. Ah. Continue seulement, mon frère. Donc, face à toutes ces choses, comprenons aussi l'évangile qui venait de gauche à droite, qui nous prêchait, dit non, véritablement ça, c'est... c'est autre chose. Mm-hmm. Donc, je suis sorti un peu de là. Ok. Merci, frère. Donc, on va parler de la délivrance biblique. On va voir cela maintenant. La délivrance biblique. Après que j'aurai bien expliqué, dans la deuxième partie, vous allez poser des questions, d'accord, frère? Donc, si vous avez des questions et que vous pensez que vous pouvez les oublier, notez quelque part pour ne pas oublier. On va parler de la délivrance biblique pour répondre aux questions des frères et des sœurs là. Son cas n'est pas un cas isolé. Vous ici, vous êtes allé chez les Ngangan, d'autres pour chercher des enfants, d'autres pour chercher des maris, d'autres parce qu'ils veulent voyager. Vous avez, il y a des femmes ici qui sont regardées, qui prient plutôt chez des femmes, qui sont des spirites. Oui, moi, oui, ma. Je voudrais dire que moi je prendrais d'abord mon cas. Oui. C'est par rapport un peu sur la délivrance. Oui. C'est par rapport à que quand je souffrais, oui. Nous avons fréquenté plusieurs gangas. Ganga. Mais ce que je ne comprends pas, il y a un ganga avec qui nous sommes allés, avec monsieur. C'est toutes les fois qu'on allait chez les gangas, on ne connaissait pas encore le chemin du Seigneur. Donc, c'était toujours par rapport à mon état de santé, parce que j'étais à la recherche de la guérison. Et nous sommes allés chez un ganga, un certain, je peux dire le nom. Il n'y a pas de problème. On s'en fout, non? Tant vous citez Satan ici, quel est le maître? Est-ce que vous avez peur? Un certain nom. Et il a pu faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que toutes les fois, quand j'ai accepté le Seigneur, je ne cessais de le voir. Voilà. Donc tu voyais cette même personne. Hein? Tu voyais cette même personne dans la vision. Toujours. Voilà. Il arrive même jusqu'alors. Hein? C'est vrai que je me suis levée dans la prière et tout, mais il arrive quand même, il y a des moments où, pendant que je suis couchée, il arrive que je le revois encore. Et puis j'ai expliqué un peu à monsieur que mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne cesse de le voir. Est-ce que c'est une réclamation? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Est-ce que certainement dans certaines choses qu'ils ont pour habitude de nous demander, il se peut qu'on fasse des accords inconsciemment. Absolument. Sans pour autant le savoir. C'est ce que nous allons voir dans la parole maintenant. On va voir tout cela dans la parole, d'accord? Qui d'autre? Quelqu'un voulait parler? Oui. Dans ce sens, c'est parce que vous voulez dire n'importe quoi, que ça concerne ici, pour qu'on ne soit pas dispersé. Oui. Je voulais vous poser une question par rapport au mot église. Oui. Parce que quand on lit la Bible, oui. Ça montre le mot église, c'est n'importe quoi. Nous, on vit aujourd'hui dans la société. Oui. On fait des bâtiments. Oui. Alors, je voulais savoir, dans ces bâtiments qui sont faux, oui. Qui ne reflètent pas l'image de Dieu, oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est le pasteur qui est dans le bâtiment? Oui. Qui a un totem, oui. Ou est-ce que le totem est consacré uniquement au nom de l'église qui met dans l'histoire de l'Union? Bonne question, c'est une bonne question et ça a travaillé avec ce qu'on va voir là maintenant. Vous me donnez vraiment du temps pour parler. Oui. Il y a une femme qui est ta maître spirituelle. Oui, vas-y, parle, ma soeur. C'est à toi qui est dit, non? Oui. Vas-y, parle-moi d'elle. Moi, je suis venue au Gabon pour le mariage. Oui. J'ai épousé mon premier mari qui m'a amené ici. Cet homme-là est mort. Oui. Après, la coutume des femmes, tu dois encore épouser. Les femmes, c'est une tribu du Gabon. Oui. Il y a des rituels après le décès de leur conjoint. Oui. Et c'est dans beaucoup d'autres tribus, oui. On m'a encore donné son petit frère. Oui. Et quand son petit frère est arrivé, on a vécu 6 ans. Il avait aussi sa femme. Après, il est décédé. Oui. Après, donc, tu es toi seulement les frères, quoi? Je ne sais pas. Oui. Il est décédé. Oui. En décédant, on avait un problème du travail. On nous balançait société par société, finalement. Une sœur est partie, c'est une sœur qui m'a amenée. Quand on arrive... Amenée où? Chez une ganga. Une, n'est-ce pas? Oui, une femme. Ganga, une femme. Ma copine m'a amenée. Nous a amenés, on était à deux. Quand on arrive là-bas, la femme était en train de consulter ma collègue. Elle me dit, parmi vous deux, il y a un qui a un décès en main. Son mari doit... Elle n'avait même pas dit. Finalement, après 3 jours, il est décédé. Mm-hmm. On était même parti au même moment au village. Oui. Lui, il est resté. Et quand je suis revenu à Libreville, il est resté à mourir. Mm-hmm. Et après sa mort, la même personne, la même ma collègue vient encore me dire que là où tu es là, j'étais là où on était l'autre jour. Mm-hmm. Chez la femme là. Chez la femme là, chez mm-hmm. la nganga. Mm-hmm. Parce que si tu ne fais pas attention, toi aussi, tu vas mourir. Mm-hmm. Mais je suis partie. J'ai exposé ma question à cette femme là que là, toi tu vas me faire, tu m'as appelé. C'était pourquoi elle me dit non, tu as un problème. Et si tu ne fais pas attention, tes beaux-parents sont derrière toi. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié déjà. Mm-hmm. Qu'est-ce que je peux faire? Elle quand tu dis que tu priais déjà, tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu connaissais déjà au moins la voix du Seigneur? Oui, je connaissais déjà. Je pose des questions en détail parce qu'on va déjà les enseignements. Oui, je connaissais mm-hmm. déjà à peu près la voix du Seigneur. Mm-hmm. Je suis partie, ma soeur là, elle a même refusé que je ne parle pas. Oui. Je suis partie. Qui on peut dire que tu vas mourir et que tu résistes que de ne pas te faire sauver. Mm-hmm. Donc la peur t'est saisie. Oui, t'as saisie. Mm-hmm. Je suis partie. On a mangé, on nous a donné les boka. Mm-hmm. Quand on nous a mangé quoi? Les boka. Quand j'ai mangé, vous avez fini. On était déjà allongé. Mmh. J'ai eu des vertiges. Je ne peux pas imaginer. Donc, c'est les plantes hallucinogènes. Oui. Quand vous prenez ça, c'est un peu comme la drogue. Ça vous met à une autre dimension. Mmh. J'ai eu des vertiges à un niveau. Je souhaitais vous expliquer spirituellement ce qui est contenu dans l'iboga. Ce n'est pas le moment. Finissons d'abord avec ce thème-ci. J'ai eu ça. Tout d'un coup, j'ai vu mon père, mm-hmm. elle est décédée, il mm-hmm. est décédé depuis. Mm-hmm. Il me dit, qu'est-ce que toi tu es venu chercher? Est-ce que je ne vous avais pas dit que vous ne devez pas manger l'herbe que tu ne connais pas? Tu as déjà mangé cette herbe-là, mm-hmm. pourquoi tu as mangé? À l'instant, j'ai vomi. Il y avait l'image de Jésus, mm-hmm. parce qu'il marche avec qui ça? Les gens, les nganga. Les nganga. Et donc lui, il avait l'image de Jésus. La face de Jésus était mm-hmm. approchée. Mm-hmm. J'ai vu comment cette face, la figure, la pleurait, les larmes coulaient comme mm-hmm. ça. J'ai levé les mains. Mm-hmm. Et tant que je me suis levé, mm-hmm. j'ai dit, Seigneur, pardon, excuse-moi là où je me suis placé. Je ne connaissais pas. Mm-hmm. Je me suis agenouillé. Mm-hmm. L'Angaga, là, elle-même, elle disait qu'elle nous accompagnait pour voir des choses. Mm-hmm. Elle s'est levée. Elle a dit, toi là, qu'est-ce que tu es venu chercher dans ma maison? Non, mais l'Angaga est étonnée de ce que tu venais encore faire. Mm-hmm. Moi, je n'étais qu'invoquer maintenant le nom du Seigneur. Mm-hmm. Que Seigneur, sauve-moi. S'il vous plaît, je reconnais. Et quand tu disais ça, elle entendait la voix. Elle entendait bien la voix. Mm-hmm. Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que je suis tombée. Je ne suis plus dans ta maison. Papa, s'il vous plaît, sauve-moi. Mm. Elle s'est levée, elle me demande, qui t'a amené dans ces lieux? Qu'est-ce que tu es venu chercher dans ces lieux? Moi, je ne soigne pas les gens de l'église. De l'église éveillée. Mm-hmm. À chaque fois que les gens de l'église éveillée entrent dans cette maison, ils me bloquent. Gardez cette phrase à l'esprit. Mm-hmm. Les gens là me bloquent. Mm-hmm. Tu es venu chercher quoi? Je n'étais même plus avec elle. Mm-hmm. Tu cherchais toi seulement les voies de moyen avec le Seigneur. Je cherchais maintenant les voies pour sortir. Mm-hmm. On est sorti de là. Mm-hmm. Tout ce que cette femme là nous faisait par la suite, moi je n'étais plus. Mm-hmm. Vous aviez vu quoi? Vous qui tu as marché avec moi, j'étais vu. On t'a donné ça. Moi, j'ai dit, je n'ai rien vu. Donc, dans cette vision-là, elle devait vous accompagner, vous devez voir des choses dans la vision. Et elle devait vous accompagner, elle devait vous donner quelque chose. Oui, mm-hmm. c'était... En tout cas, moi, je ne connais pas. Mm. J'ai vu. Tu as vu quoi? J'ai dit, moi, je n'ai rien vu. Mm. Je dis que tu n'as rien vu. J'ai vu comment on te donnait de l'argent. J'ai vu comment on te donnait mm. la richesse. Mm. J'ai dit, maman, je ne suis pas là. Je ne suis même plus avec vous. Mm. Jusqu'à ce qu'on avait terminé. Mm-hmm. Je n'étais plus avec eux. Mm-hmm. Même la somme d'argent qu'on nous avait demandé que chacune donnait 100 000. Mm-hmm. Moi, je n'avais pas donné parce que je n'avais rien reçu là-bas. Mm-hmm. Le dimanche qui suivait, nous sommes partis à l'église. Mm-hmm. Arrivé à l'église, le pasteur dit, j'ai déjà oublié comme ça fait aussi longtemps, il avait donné un verset public qui dit, je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Donné aussi gratuitement. Mmh. C'était d'abord de couper les liens. Mmh. Tout ce monde qui reconnaît qu'il avait mangé, il fait la sorcellerie, il fait ceci, cela. Si tu reconnais que tu as mangé quelque chose qu'on t'a donné, que toi-même tu ne connais pas, ou bien inconscient, involontairement, il faut couper les liens. J'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as déjà délivré. Mmh. Parce que là où j'étais là-bas, le samedi passé, et j'arrive là, on nous dit de couper les liens. J'ai fini de couper les liens. Mmh. Donc le bouga a failli t'amener. Après, même, elle-même me disait que toi, tu as eu la chance, hein, tu ne devais pas sortir d'ici là. Tu devais sortir réel. On devait seulement t'accompagner. C'est la femme-là qui te dit, je vais mettre spirituel. Que le Seigneur te bénisse. Samedi, rendez-vous. Tu veux parler, toi? Sans ton livre, ne regarde pas les gens qui sont là. Chacun est là pour soi. Parle. Non, Nathalie. Comme mon petit frère ne connaît pas, moi, quand j'étais petit. Non, attends. On le fait sortir. Non. Parce que toi et moi, je connais la chose dont tu veux raconter. Non, on ne peut pas sortir. Ok. Ok. Bon, même si tu vois, même si tu écoutes, elle parle, ne dis pas dehors, ne dis pas que c'est moi qui t'ai amené ici. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Je ne savais pas, d'accord? Nous sommes réunis autour de la parole et la parole de Dieu est vérité, d'accord? Amen. Allons-y, parle, ma chère. Bon, moi, le mon cas, c'est que c'est nouvelle l'école. Oui. Quand j'étais petite, la grande sœur de ma mère, comme on parlait tout à l'heure dehors, que elle avait lancé une parole, elle disait toujours, les enfants de sa sœur apprennent bien, et nous, on apprend bien, ces enfants n'apprennent pas bien. Oui. Donc, c'est un constat que j'ai fait depuis que j'étais petite, j'ai mis ça dans la tête. Oui. Donc, quand je fais la musique, quand j'ai grandi, j'étais trop intelligente. Oui. J'ai grandi, donc il y avait des trucs qui avaient commencé à faire que l'école, c'était plus ça. Mm-hmm. Ça brouillait déjà. J'ai maintenant les choses à des ordres, des fois je fuguais. Mm-hmm. Jusqu'à un jour, ma mère nous a donné, ma mère m'a mis au christianisme. Mm-hmm. Parce qu'elle était, donc voilà ton collègue là-bas. Parce qu'elle avait parlé de ça. Oui. Quand je suis arrivée au christianisme, je suis allée la première fois, bon, ça me disait rien. J'ai écouté ce qu'il était qu'on me racontait là-bas. Bon, je faisais semblant d'écouter, hein, je n'écoutais pas, voilà. Je faisais semblant d'écouter, j'étais là. Ils m'ont aussi amené à les rituels, comme il dit, le monsieur a dit tout à l'heure. Puisqu'ils ont fait les visions, après ils ont commencé à parler. Et puis le monsieur m'a dit, ma mère m'a dit un jour, pourquoi toi tu ne veux pas venir pour te faire traiter et tout. J'ai dit que parce que je n'ai pas envie. Après, j'ai dit, je ne vois pas ce que je vais chercher là-bas. S'il y a quelque chose que je n'ai pas cherché, c'est Dieu qui m'a aimé. Tellement elle insistait. J'ai dit, tu sais ce que j'ai fait là. J'ai inventé. J'ai dit que ce que j'ai fait, c'est parce que je suis possédée. Parce que c'est peut-être ce que tu es en train de vouloir que je te dise, tu es possédée. Parce que tout ce que tu veux, tout ce qu'on te demande, tout ce que les gens te disent, c'est ce que tu fais. Au lieu d'écouter d'abord ce que ton enfant te dit. Voilà. Ils m'ont amené. Des histoires de couper aussi les bananes. Non, tu fais un peu la même chose. Tout, pareil, laisser les habits, les seaux. Mais après, ça tout à coup devenu grave. Mille fois plus grave. Donc, islamiste, c'est resté, qui s'est terroriste. Bon, je suis mille fois plus grave là. C'est le moment où on a commencé à avoir des problèmes. J'ai fugué de chez elle. J'ai commencé à faire ma vie. Jusqu'à peut-être 3-4 ans, elle m'a fait vraiment pas ça. Elle me cherchait dans les bourrues, j'étais de mon côté, je faisais ma vie. Je suis revenue peut-être quelques temps après, peut-être à 17-18 ans, quand j'ai eu l'enfant et puis je suis ressortie. Mais un truc que je ne comprends pas dans ma famille, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule les gens. Et moi, juste quelqu'un, je suis trop direct. Quand ça ne va pas, je dis, même que tu te fâches, tu te fâches pas. Donc ils font toujours des... Pour moi, c'est l'impression que j'ai. Qu'il y a des gens... Dans les ténèbres qui sont des manipulateurs. Voilà. J'ai l'impression qu'il manipule même ma propre maman. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'elle fait, quand je regarde, quand j'essaie de parler, elle ne veut pas écouter. Je lui ai toujours dit, essaie d'écouter ce que je te dis, ou essaie d'écouter ce que les gens te disent. Parce que forcément, ta soeur ne voudra pas nous perdre des enfants. Et à chaque fois que je dis ça, c'est toujours le truc à me dire. Ou quand je fais des rêves, ou ta soeur me poursuit, ou ses frères, me dit que c'est l'image, ou c'est... le visage que les gens me connaissent. Moi, je dis, que ce soit ça ou ça, ne soit pas ça. C'est qu'est-ce que c'est que si moi, quelque chose m'arrive, je ne vais pas hésiter à le dire à 14h, je vais venir, je vais vous vous tous. Donc, quelqu'un qui tape, même si c'est dans la nuit, quand tu appuies, tu viens, tu prends le pétrole, tu verses là, tu les brûles. Moi, j'ai averti. Moi, je ne suis pas du genre à beaucoup parler. J'ai averti. Merci. Oui. Bon, en fait, non, attends, ici. Oui, en fait, c'est un peu par rapport à les célestes. Célestes toujours. J'ai été chez les célestes. Oui. J'ai reçu mon baptême là-bas. Oui. En fait, je voulais savoir si le baptême que j'ai reçu chez les célestes. Si tu parles si tu parles retirer le baptême chez le diable, c'est que est-ce que c'est chez Dieu? Continue ici. Bon, en fait, je voulais pour compléter quelque chose. Oui. Après, la question c'est de savoir. Avant d'avoir le commentaire, quoi. Oui. Avant d'avoir la question, c'est de savoir. Bon, enfin, avant de le commenter un peu, il y a une question de savoir. Oui. Pourquoi c'est nos parents qui partent faire l'erreur. Oui. D'aller chez le marabout, chez le ganga, mais les enfants reçoivent. La correction des parents. Oui. Il faut que je mette un peu confiance avec toi. Pourquoi je dis ça? Parce que. Tu ferais me poser la question, tu sais, au moment où tu restes tranquille et on avance dans la Bible. Je sais un peu pourquoi, parce que. Oui. Ma mère. Oui. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une femme qui se dans sa vie. Oui. Moi, je ne priais pas Dieu avant. Oui. J'ai prié que Dieu savait que Dieu existait. Oui. Je ne priais pas normalement comme il fallait. Et c'est quand je me lève, je dis merci Seigneur. Et t'en sors. Mais elle est péchée cette dame-là. Oui. Soit disant qu'il y avait le Saint-Esprit. Oui. Et voyait les visions, elle connaissait les choses et qu'on sort. Et moi, quand tu me dis que Dieu existe, tu dis fous-moi le camp. Parce qu'il y avait justement pas le dos, souvent le passé et qu'on sort. Donc quand tu me dis que Dieu existe, tu dis fous-moi le camp avec ton Dieu. Moi, j'ai mes soucis, ma paix, des gens, je me fous le camp. Que Dieu ne m'a pas aidé dans mes soucis, que Dieu passe ton grâce à route. Je ne sais pas si ça peut avoir des impacts dans ma vie. Elle a pris mon nom. Je ne t'aime même pas pourquoi. Oui. Elle est passée à cette dame-là. Parce qu'elle cherchait le bien, non? Elle te cherchait le bien. Non, non, c'est pas, moi je sais pas ce que le bien. Non, non, à ce moment-là, c'était le bien. Elle n'a pas dit à cette dame-là que mon fils est rebelle. Elle n'a pas envie de suivre Dieu. Oui. Il faut qu'on t'enlève la tête pour que tu suives Dieu. Donc c'est du bien que tu as cherché. Il ne me connaît même pas. Il va venir ici à genoux. Il va rentrer pour aller jusqu'à. Donc la dame l'a dit qu'il veut faire jusqu'à ce que tu vas marcher à genoux. Mais c'était ma voisine. C'était ma voisine. C'est-à-dire, la maison est là, je suis là. Quand il fait cette histoire de prière qu'on sort, parce qu'elle disait qu'à 15h le jeudi, Saint-Esprit descend. Donc le Saint-Esprit a rendez-vous souvent le jeudi. Voilà, ça descend à 15h. Et quand je passe là-bas, j'ai dit ça, c'est le diable. Oui. Je dis à la je dis, vous pliez le diable. Alors, si je ne connais pas Dieu, et chez moi, j'étais le seul garçon. J'avais 4 filles, même 5. Quand ça quitte là-bas, j'ai appris à taper la Bible le soir. C'est le Dieu, Jésus a dit, juste pour me toucher. Rien pour le temps. Alors, moi, je voulais savoir pourquoi c'est le parent qui a fait sa connerie. Oui, et pourquoi chez moi. Pourquoi il y a l'impact sur la femme. Je vais vivre, c'est ma petite vie. Si Dieu existe, oui. C'est pour lui. Bonne question. Si Dieu existe, c'est pour lui. Oui. Mais moi, je suis dans mon chemin. C'est une bonne question. Allons-y, prenons-le ici. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, oui. Je voulais savoir. Oui. Au céleste, là. Oui. Après d'avoir fait la recherche, ils m'ont dit que si je pars, par exemple, me baigner à la plage. Oui. Si c'est les esprits de sirènes, oui. C'est les femmes de marines de nous, quoi, oui. Ça va arriver. Ils disent que si tu vas faire cela. Oui. Tu es allé ton âge, non? Alors. Et tu penses, et tu penses que ça ne peut pas t'arriver. Personnellement, moi, oui. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi? Tu comptes parce sur quoi? Je ne crois pas ça. Mais si tu ne crois pas, ça ne peut pas te prendre. Moi, je personnellement, je ne crois pas. Rendez-vous samedi, n'est-ce pas? Ne sais même pas chez moi. Tu peux faire ces choses avant moi. C'est pour eux, je vous pose une question. Si on met un verre empoisonné ici, on dit que si tu bois ça, tu vas mourir. Tu dis que je ne crois pas. Tu bois ça, t'empoisonner. Je bois. Alors, les esprits sont plus dangereux que le poison. J'arrive. On peut commencer maintenant. Oui, allons-y ici. Ah. Moi, je voulais savoir. Ici, la bienvenue vraiment à Libreville. Oui. Oui. Je voulais savoir. Quand quelqu'un qui prie oui. Entre en transe, ça oui. C'est comme si c'est un esprit qui vient en lui. Oui. Et qui commence à raconter des choses, oui. Prophétiser ou comment on dit. Oui. Comment on va savoir, on sait si l'esprit qu'il a, oui. Qui est son lieu en lui, c'est l'esprit de Dieu ou Bonne question. Déjà, on peut répondre à ça facilement. L'esprit de Dieu parlera conformément à la Bible. Ça, c'est quand ça parle de cette chose, parce que vous n'avez pas des thermomètres extérieurs pour savoir que si ce qui en est laissé passer, c'est de Dieu. L'esprit là doit parler conformément à la Bible. Mais généralement, l'esprit fait des choses, par exemple, c'est comme s'il te consultait. Oui. Il te dit, le Seigneur dit que tu es dans ta famille, il y a quelqu'un qui... Non, c'est pas comme ça là, c'est que c'est la sorcellerie. Prenons là-bas derrière, on y arrive. Oui, frère, je disais, est-ce que... Oui. Une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, oui, et que le Saint-Esprit en habite en toi, est-ce que tu es délivré? Oui. Et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, est-ce que tu es délivré? Bonne question. On va voir tout ça maintenant. C'est bien positionné. Maintenant. Oui, papa. Le papa de Dimitri. Bonne arrivée, papa. Qu'est-ce que ton fils t'a dit pour que tu puisses venir ici? Il a vraiment pu te convaincre. Ça a dit, c'est resté d'abord là hier. Oui. Donc tu l'as envoyé en éclairé. Oui. Elle a essayé de me faire le compte la nuit. Et tu as dit maintenant que je m'en vais aussi là-bas. Bon, si je viens là, d'abord, comme ils m'ont fait le compte la nuit, notre père était. Bon, là, je ne sais pas la différence entre un guérisseur et un voyant. Oui. Il était guérisseur traditionnel. Et de l'épicerie. Mm-hmm. Donc, après sa mort, donc on était un peu avoués à nous-mêmes. Oui. Bon, j'ai réussi mes études. J'ai travaillé dans une banque. Oui. On m'a envoyé comme responsable dans l'autre niveau. Oui. La banque, tout d'abord, nous envoie qu'on a établi ici. De là-bas, je devais aller à Port-Gentil ouvrir une agence. Oui. Et de là, aller maintenant à FIBA, qui était notre correspondance, pour venir comme fonder le pouvoir. Oui. Et ma carrière a c'est été bafouée. Là, je faisais un peu de manœuvrage. Je suis parti au village avec sa mère. Et il y avait encore, je crois, 3 mois. Donc, on est parti à un village à Tenindali. Voyant tout ça là, bon, mon oncle qui était là-bas m'a dit non, comment un cadre comme toi, qui était bien pour qu'il nourrisse la famille et tout, tu vas chômer, donc il faut laver le corps. Donc, comment arriver dans un village? Oui. Dans un village. On a fait tout ce qu'ils font, oui. qu'ils avaient fait. À minuit, c'est là qu'on m'a amené dans une rivière. Oui. À minuit. À minuit. On t'a amené dans une rivière. Pour faire ce lavage là, oui. On est parti, on m'a lavé le corps. Et tout ce qui était à moi aussi. Là, j'étais là-bas. J'ai changé le pain, je suis parti. Ça, ce n'est pas le cristallin céleste. Non, ça c'est notre volet. C'était même la rivale de ma mère. Oui. Donc, on a dit, bon, on t'a pris, c'est là où on te prend plus dans les sociétés. On a pris l'étoile. On a volé ton étoile. C'est là où on te prend. On t'a pris l'étoile. C'est là où on te prend plus dans les sociétés. Oui. Donc, de là-bas, après, je suis revenu ici à Libreville. On a cherché le boulot. Rien. C'était bon, malgré le lavage, l'étoile brillait, mais c'est rien. Bien. Donc je faisais un peu le manœuvrage par-ci par-là. On m'a pris dans l'administration comme planton à la main d'œuvre. J'ai fait près de 16 ans. Et là, pour être intégré, c'était des problèmes. J'ai fait encore 16 ans. Donc de 90 à 2003, c'est là où j'ai été maintenant intégré. Donc, de 90 à 2003. Même là, les dossiers, parce qu'il fallait. Il y avait la grève des enseignants du supérieur. Une des secrétaires qui a pris maintenant mon dossier, qui disait comme on était tous dans le même ministère pour qu'on puisse résoudre le problème dans le cadre général. De là-bas, même l'aide responsable secrétaire général a su, comme elle ne sait pas comment il avait su, comme il ne voulait pas me voir, a su que comment déjà intégré. Donc le dossier est à bonne voie. Il a écrit et là-bas. J'ai trouvé aussi un directeur qui me connaissait, que j'ai fait du bien quand j'étais dans l'autre bout. Il a dit non, on ne peut pas enlever son dossier. C'est là où ça commence, c'est comme ça a commencé. Donc, j'ai fait encore même de 2003 à 2012, pas d'avancement, ainsi, pas de confirmation. Confirmation pour les contracteurs. Mais les fonctionnaires, c'est. Donc après, je crois que maintenant 2015, c'est là où j'ai été titularisé. Après, mon âge a été presque parti. Là, c'est la fin du mois passé. Oui. J'ai été pris à la retraite. Oui. Donc j'ai passé des avec temps difficiles. Oui, des temps difficiles. Bon, les enfants, vraiment, c'est par la grâce de Dieu. Par exemple, celui-là a fait du CP1 en terminale sans redoubler. Oui. Et il a fait encore la première année à l'université après son bac, deuxième année, des difficultés, il a laissé les études. À cause des difficultés. Celui qui était là, à son bac, l'avant-dernière aussi, a eu son bac. Mais leur grand frère, qui suit celui-là, est toujours en première. Donc il y a toujours des blocages. Des blocages. Et c'est Dieu qui nous soutient. Qui nous aide, vraiment, qui nous soutient. Donc vraiment, jusqu'à présent, il y a toujours des blocages. Quelque chose avant que j'ai. Chose, tu souffres énormément. Il faut soupirer. Donc là, à ce moment, à la maison, on est un peu. Les enfants, c'est maintenant un peu difficile parce que là, surtout là où je vais à la retraite. Et à la maison, j'avais payé le terrain. Quand j'étais encore à l'école, oui. On a construit. J'ai appelé mon grand frère qui ne travaillait plus et qui ne travaillait pas encore. On a construit ensemble. C'était des problèmes. Là, on a abandonné. La maison comme leur mère, ma femme était toujours, elle a donné partie à Zion, maintenant pour nous. Et de là, comme je vais à la retraite, je vais à la maison, tout est gaspillé, il faut recommencer. J'ai le premier que j'ai fait avec une femme dehors, c'est presque fou. Il a cassé là où on loue, il faut arranger là-bas, il faut arranger là où on va partir, donc là je suis dans des. C'est le problème. Jésus-Christ est la solution. Amen. Il est la solution. Oui. Frère, puisque nous sommes là pour ça, vraiment, tu veux toujours poser les questions. Poser les questions. Je cherche vraiment à bien comprendre. J'aimerais un peu savoir, est-ce que lorsque vous avez déjà accepté le Seigneur, vous êtes déjà en Christ, nous savons que tout ce qui a été créé a été créé par Dieu. Oui. Est-ce que c'est possible, étant déjà enfant de Dieu, de recevoir, par exemple, une délivrance, hein? Comme vous disiez que Dieu, la dernière fois lorsque vous avez expliqué là, vous disiez que Dieu a la possibilité, le Seigneur a la possibilité, ou le Saint-Esprit a la possibilité de prendre l'image, d'agir au travers de l'image de quelqu'un. Oui. Hein? Oui. Et que je voulais savoir, au travers des plantes, oui. Lorsque vous êtes sérieusement malade, oui. Est-ce qu'il y a une possibilité, en étant déjà dans le Seigneur, que vous recevez par exemple une guérison au travers de quelqu'un qui vient et vous montre par exemple que voici l'avocatier. Prenez cet avocatier, prenez telle plante et faites bouillir. Prenez cela. Et quand vous prenez cela, vous avez la solution. Et quand vous prenez, vous sortez de là totalement. Donc nous allons parler effectivement de la délivrance biblique. On parle de ça. Et le deuxième point, papa, c'est que souvenez-vous, si elle répond, vous oubliez et que vous constatez que j'ai oublié un point rappelé pour qu'on continue jusqu'à ce que tout ceci soit clair, d'accord? Et l'autre, c'est aussi de savoir par rapport un peu à l'hérédité. Lorsque une maman a eu par exemple dans son passé, soit une situation par exemple qui s'est passée lors de sa dot, s'il y a eu par exemple pendant les présents et que le papa de cette dernière a été par exemple menacé par la belle famille du fait que lui ne s'en est pas occupé des enfants. Oui. Et lorsque, pendant qu'il a été menacé publiquement, il a tout abandonné. Oui. Et en partant, il a par exemple lancé une malédiction. Oui. Un exemple, il a lancé une malédiction vis-à-vis de sa fille pour empêcher que sa fille, par exemple, ne progresse ou ne réussisse. Et cette fille, en allant dans ce foyer, elle a mis au monde des enfants. Oui. Mais lorsque vous constatez, par exemple, que certaines choses qui sont attachées à votre maman, sont attachés à vous. C'est-à-dire que la même chose se réitère. Se réitère sur, propre vie. Par exemple, l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bonne question. C'est fort, hein? Nous prenons les femmes d'abord. Hein, frère Jimmy. Oui. Ma question, c'est par rapport à la purification. Oui. Je Je veux savoir ce que c'est que la purification, oui, selon la Bible. Bonne question. Et je veux savoir si... Vous êtes vraiment décidé aujourd'hui alors. Si les hommes, oui, purifient. Si les hommes purifient. Et si ça purifie, comment on doit l'utiliser? Bonne question. Qui doit l'utiliser? Non, les hommes, c'est dans Psaume 51, ça se trouve là-bas. Oui. Non, ne t'inquiète. Ou bien c'est quelqu'un qui doit utiliser. Non, ne vous inquiétez pas. Oui. Bonne arrivée aussi, d'accord. Merci. Elle est restée là derrière, elle a dit que non, ici c'est libre, donc moi je peux m'exprimer. Merci, c'est la première fois que je viens. Oui. Et tu es à l'aise, n'est-ce pas? Oui, je suis à l'aise. Et je vais un peu me libérer d'un petit fardeau que j'ai. Il y a 2 mois, j'ai perdu ma fille de 23 ans. Elle est morte... On peut appeler ça à cause de la sorcellerie. Il y a 2 mois, elle est décédée. Elle m'a laissé 2 enfants. Et j'ai vécu pendant 23 ans avec un homme qui était déjà marié à une première femme. Ils se sont mariés jusqu'à l'église. Mais j'étais déjà avec lui quand ils se sont mariés. Oui. Et on est resté jusqu'à la période du début du mois de septembre. Septembre récemment. Oui, là. L'enfant est décédé le 18 août. Aujourd'hui, ça fait 2 mois qu'il est décédé. Et cette douleur n'est pas encore partie. La douleur du décès de ta fille. Le décès de l'enfant. Et à peine, moi, la personne avec qui je vivais, on était à Franceville, on vivait maritime dans la même maison. Je suis le témoin. Et on a fêté à Port-Gentil, la même période que l'enfant était malade. Et maintenant, il m'a d'abord soutenu avec le cas du mari de l'enfant, parce qu'il a fait 6 mois malade. Et après, il est allé au lieu d'affectation. Donc, l'enfant est décédé, il est venu, il est reparti. Donc, c'était prévu qu'il me fasse partir dans les délais les plus précis. Donc, les délais qui sont passés, parce que je devais être à Port-Gentil en début du mois d'octobre là. Oui. Et Dieu faisant ces choses, parce qu'avant ça, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'accepte le Seigneur. Dès que mon enfant est tombé malade, j'ai accepté le Seigneur. Et avant d'accepter le Seigneur, j'ai d'abord façonné moi-même. J'ai un peu vu les petits défauts que j'avais, les rancunes. Vraiment, j'ai fait un travail moi-même d'abord. Et au sorti de là, vraiment, les tentations, pendant que l'enfant était malade, on va venir chez tel là-bas, on amène l'enfant là-bas, on connaît tel. Vraiment, les tentations sortaient de part et d'autre. Je suis restée radicale et je suis restée accrochée à lui. Je dis, Seigneur, si cet enfant meurt, que c'est ça soit ta volonté. Quel que soit ce qui peut arriver, si tu peux me la ramener, c'est Dieu merci. Si tu la prends, c'est ta volonté. Donc je suis restée accrochée au Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu l'a pris, moi je lui ai fait une libération parce qu'elle a beaucoup souffert. Et quand mon mari est parti, la première femme qu'il était avec, il avait épousée, ils étaient en séparation depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, il est parti, il est allé se remettre avec sa femme. Donc il a commencé par... Bon, j'ai trouvé la maison, bon, la maison n'est pas trouvée, bon, je vais en enlever, bon, c'était tantôt. Mais moi-même, dans mon fond intérieur, j'avais demandé à Dieu de me montrer parce que j'ai dit, Seigneur, je connais la personne avec qui je vis. Depuis près de 23 ans, sincèrement devant Dieu, je n'ai jamais vécu la paix du cœur. Je n'ai jamais vécu l'amour, un homme qui aime sa femme. Je n'ai jamais vécu le respect d'une femme. C'est que ton mari, tu vis avec, il ne débouche pas, il est... Je n'ai jamais vécu ça, c'était toujours la douleur, les cris, les bagarres, les souffrances. Donc j'ai demandé à Dieu de me montrer, j'ai dit Seigneur, montre-moi un signe. Est-ce qu'en partant à Port-Gentil avec les orphelins que ma fille m'a laissés, les enfants que j'ai, est-ce que je ne vais pas subir une autre déception là-bas? Seigneur, reviens-moi, montre-moi. Le premier signe qu'il me montre, un jour, c'est vendredi, il y a 2 semaines, il m'appelle. Quand il m'appelle, c'est par le nom de son épouse, donc sa première femme. Donc il fait l'erreur, il appelle plutôt par le nom de la femme. Et ma tête, alors, Yolande, bonjour. Je dis non, c'est pas Yolande, c'est Marianne. Je coupe le téléphone. Oui. Et après, il m'appelle, il me dit, mais pourquoi tu coupes le téléphone? Je dis non, tu n'as pas voulu parler à Yolande, à Marianne, tu voulais parler à Yolande. Pourquoi que c'est moi qui raccroche le téléphone? Mais je suis restée de ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 semaines, on ne parle pas au téléphone. Je suis restée dans ma prière, je suis restée sans faire du bruit, je n'ai pas réagi, je n'ai pas appelé, je n'ai pas fait de grâce. D'où, c'est l'enfant qui appelle, le premier fille, parce qu'on a vu quand l'enfant appelle, il répond à l'enfant, en fait, mais maman, papa, pourquoi quand maman t'appelle, tu ne veux pas réagir? Il avait déjà les leçons des enfants pour laisser les enfants projeter. non, non, non, non, moi, ta mère, je ne veux plus, voilà, parce que j'ai confondu le nom de l'autre. À ce moment, elle n'avait qu'à comprendre que, elle, on a des enfants, on est mariés avant, machin. Moi, je ne veux plus, je vous lâche, je n'ai plus rien à foutre, je ne veux plus entendre parler. Mmh. Et c'était la dernière parole. Mmh. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mmh. il est resté dans sa position. Moi aussi, je dis, Seigneur, c'est ta volonté. Mmh. Quand il allait à Lyon, il est descendu chez sa petite soeur. Une semaine après, je dis, Seigneur, tu m'as montré le premier signe. Remonte-moi un deuxième signe pour que je sois convaincue. Mmh. Et de là, je vais de l'avant. La petite soeur qui descend m'appelle le nom de mes races la semaine qui est passée là. Oui. Alors, bonjour Marianne, je dis bonjour, ça va? Je lui dis ça va. Ton mari t'appelle, je dis non, je n'ai plus de sel. Elle me dit, mais je t'informe qu'il n'est plus chez moi. Il est reparti habiter chez sa première femme. Mmh. Je lui dis, Seigneur, merci parce que je t'ai demandé de me montrer un deuxième signe. Mmh. Donc, depuis là, il est chez la femme. Il n'a plus jamais appelé, il n'a plus jamais demandé la nouvelle de l'enfant. Mmh. Et je suis resté. Jusqu'à aujourd'hui, là, avec les enfants. Jusqu'à là où tu es devant nous. Là, je vous pose deux questions. Vous avez dit que Dieu vous a montré deux signes, que si Dieu vous montre un deuxième signe, vous allez continuer dans votre chemin. C'est ça, non? Le deuxième signe, c'est elle aussi, sa petite soeur m'a appelé. Voilà, donc, qu'est-ce que vous arrivez comme vous avez quoi comme conclusion à l'issue de ces deux signes? Vous arrivez à quelle conclusion? Moi, j'ai compris qu'il est reparti chez sa femme, et c'est à moi d'aller de l'avant. Mmh. De l'avant, ça veut dire quoi? Tout en le pardonnant, parce que. Moi, je me dis que c'est la volonté de Dieu. Qu'il parte chez sa femme. Non, moi, je dis que la volonté de Dieu se fasse. Oui. Qu'il parte, si elle est repartie chez sa femme, mm-hmm. c'est Dieu qui a peut-être voulu. Oui, mais c'est ça qui pose la question, que la conclusion finale pour vous, c'est quoi? Que, comme il est parti là, maintenant, puisque vous avez dit que vous avez passé 23 ans dans la souffrance et non la paix, mm-hmm. vous comprenez son aller chez sa femme comme une libération totale afin que vous soyez vous-même libre. Amen, amen. Eh bien, dans ce cas, je vous pose la deuxième question. Mm-hmm. S'il revient maintenant dire, ah, j'ai fait une erreur, que je vais te voir, qu'est-ce que tu fais? Tu y as pensé? Non, je pense. Donc, continuons l'enseignement. On va voir par la suite, d'accord? Ah, autre question? Qui veut encore parler? Oui, oui, laissons maman parler, oui. Oui, moi, c'est une question que je vous rappelle qu'elle s'appelle Maman Immaculée. Mais il n'y a pas conception sur son nom. Maman Immaculée, oui. Oui. C'est une question. Quand tu as déjà accepté le Seigneur, avec les enfants et tout. Nous tous, nous savons que les anges se trouvent au ciel. Oui. Est-ce que un ange peut descendre et venir parler au-dedans de quelqu'un? Au-dedans de quelqu'un, non. Par exemple? Non, non, même pas exemple. C'est non. L'ange ne parle pas à l'intérieur de quelqu'un. Mais les anges déchus, ils parlent. Ce sont les anges déchus qui parlent à l'intérieur du corps des gens. Les anges ne font pas parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans ton corps. Leur nature ne peut pas entrer dans le corps déchu, le corps des péchés. L'exemple de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, quand il vient, il se tient là-bas. Quand Gabriel venait parler à Marie, c'était face à face, il a transmis la nouvelle. Quand il venait parler à Zacharie, face à face, il a parlé. Quand il venait parler à Jacob, c'était face à face. Il n'entre pas dans le corps pour parler aux gens. Donc si quelqu'un fait ça, il est possédé. Autre chose, Immaculée. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. Il faut la délivrance à Libreville. Amen. De l'autre, si on peut répondre brutalement, rapidement, et puis on avance. Et justement, il y a même des groupes de chrétiens que vous voyez, les filles dansent en faisant comme si j'étais sous, c'est l'ange. Que je suis l'ange Michael, je vais vous donner. Il faut la gifler comme ça, vous allez voir, le démon va dire que je vais sortir. C'est pour ça qu'il faut qu'on voit la délivrance biblique. On veut voir la délivrance biblique. Parce que tout ce que vous allez faire maintenant, c'est que chacun fait quelque chose pour tenter, pour résoudre un problème. Mais il faut qu'on voit la manière de la Bible de faire. Comment Dieu lui l'a prescrit cela. Oui. J'aimerais encore savoir, mon fils a parlé que là, j'étais en train de parler avec, partir avec ma voisine. Mm-hmm. Là-bas, elle nous dit que c'est le Saint-Esprit qui parle. Oui. Parce que la sœur a parlé de savoir. Quand quelqu'un entre en transe, il dit des choses. Il oui. dit des choses. Mm-hmm. Mais quand quelqu'un rentre en transe, il t'appelle et il te dit à travers la Bible oui. que je veux que tu dois savoir que ta situation se retrouve dans la Bible oui. ou bien de la guérison et la personne te dit, tu fermes les yeux, tu pries que Seigneur parle-moi à travers. Et puis tu ouvres comme ça, quand tu ouvres, pas. Tu tombes sur ça. Tu tombes sur ça. Cette personne est possédée. Même si tu tentes d'embellir avec la Bible maintenant, elle est possédée. Parce que quand le Saint-Esprit parle, on n'a pas besoin d'entrer en transe pour faire quelque chose. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit parle, il parle, c'est comme vous nous dites là. Souvenez-vous, je crois que c'est hier, nous avons lu ici, Actes des Apôtres, chapitre 5, où Ananias est entré, ayant vendu des champs. Et l'apôtre Pierre lui dit, Ananias, est-ce à tel prix que vous avez vendu ces champs? Il a dit oui. L'apôtre Pierre parlait comme je sens de vous parler là. Pas vrai? Mais il n'a pas fait. Hey! Hey! Ananias! Non, c'est pas qu'il n'a pas fait ça. Vous comprenez? Il n'a pas fait ça. C'est pour cela que Ananias croyait que c'était avec son ami Pierre qu'il parlait. Il a dit, est-ce à cet prix que tu as vendu ce champ? Il a dit oui. S'il avait entendu Ananias, il dit, hey, peut-être c'est Dieu qui parle. Il a dit Ananias. Il dit oui, tonton Pierre. Est-ce à cet prix que tu as vendu ce champ? Il a dit oui. Il dit oui, il ne savait pas que c'est le Saint-Esprit qui parlait. Il dit que pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Donc c'est le Saint-Esprit qui lui l'interroge. C'est le Saint-Esprit qui l'interroge, mais il ne sait pas. Il dit que, ok, maintenant sache que c'est à Dieu que tu as demandé. En entendant cela, il est tombé, il est mort. Donc Dieu ne parle pas aux gens comme je suis au milieu de vous, je suis au milieu de vous. Ah! Attendez, j'arrive. Laissez-moi faire ma prédication aussi, non? Vous voulez que vous dise la vérité, non? Vous avez chacune de vous votre Bible avec vous. Donc tout ce qu'on va dire, ça doit se retrouver dans la Bible. Si quelque chose se trouve hors de la Bible, c'est chez Satan. D'accord? On peut avancer maintenant doucement. Oui, alors Immaculée a encore réfléchi. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut toucher quelqu'un, il tremble et puis il ne parle pas. Il te touche, tu ne parle pas. Absolument. C'est biblique. La Bible déclare quand même la présence du Seigneur Jésus qui faisait que les gens tombent. Et ils vibrent. D'accord? On peut avancer? Oui, mon cher. Concernant la délivrance, je vais emboîter au pas ce que la soeur a dit concernant l'hérédité. Oui. Dans les dénominations, souvent les gens, lorsqu'ils donnent des témoignages, comment ils rentrent dans le Seigneur d'après ce qu'ils disent. On constate après, souvent dans la vie, que les mêmes... Même chose qui est dans le passé de ses parents et autres là-bas, on répète dans nos autres paroles. Comme les prétendants nous disent qu'ils sont dans le Seigneur. Oui. Et lorsque ces choses-là se passent, généralement les prédicateurs qui sont là-bas ont tendance à envoyer des phrases du style « il faut couper les liens ». Oui. Mais en ce qui concerne, il faut couper les liens. Hein. Oui. À qui incombe la tâche de couper les liens? De couper les liens. Bonne question. Wow, vous avez de très bonnes questions. Je veux seulement qu'on me donne l'opportunité. S'il y a de l'eau à boire, vous buvez pour être en forme pour que je puisse parler. Parce qu'il faut qu'on développe ça bien. Parce que si c'est en préparation de ce qui va se passer samedi. D'accord. Prenez donc le stylo déjà. Prenez. Notez les versets qu'il va vous donner. On va les feuilleter maintenant. Feuilleter. Notez Deutéronome chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, si vous avez quelque chose comme question qui vous vient à cœur, notez quelque part. Vous avez noté Deutéronome chapitre 18. Notez Lévitique chapitre 19, le verset 31. Je vais vous donner des versets et on va commencer à commenter au fur et à mesure. S'il y a d'autres versets, je vous en ajoute, d'accord? Donc nous parlons là des délivrances bibliques. Voilà. Lévitique chapitre 19, le verset 31. Vous avez noté? Lévitique chapitre 20, le verset 6. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Chapitre 2 d'Éphésiens toujours. Verset 3. Verset 6 aussi. Et chapitre 1, verset 3. Donc en somme, Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Chapitre 2, verset 3 et 6. Et chapitre 1, verset 3. Vous avez noté. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 8. Verset 1 à 13. Psaume 51. Actes des apôtres, encore. Chapitre 16. Verset 14 à 17. Actes des apôtres, toujours. Chapitre 13. Verset 1 à 13. Actes des apôtres, toujours. chapitre 19, versets 9 à 19. Apocalypse. Chapitre 21. Ce seul thème, si on veut développer, on pourra développer, mais en 8 séances, ça ne finira pas. Donc, je suis obligé de dire l'essentiel, passer à l'essentiel. Justement. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Ésaïe. Chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 20. Ésaïe encore chapitre 8. Versets 19 et 20. Genèse. C'est beaucoup, hein? Waouh! Je crois que je ferais mieux d'arrêter. Chapitre 45. Genèse, chapitre 45. Notez également Exode, chapitre 7. Pour certains, je vais vous expliquer l'histoire et vous donner là où ça se trouve. Pour que vous ayez le temps, vous allez consulter ce qui se trouve là-bas, d'accord? Jérémie, chapitre 7. Jérémie, le chapitre 7. Et le chapitre 44 de Jérémie. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Voilà, c'est bon. Je crois que vous avez au moins une quinzaine de versets là maintenant qu'on peut travailler. Oh, notez Ésaïe chapitre 53. Vous avez noté? Voilà. Notez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Versets 12 à 15. Actes chapitre 9. Maintenant, Actes chapitre 26. Versets 12 à 16. Voilà, je crois que ce serait bon comme ça. Au fur et à mesure, je pourrais m'arrêter et avancer d'autres versets, d'accord? Voilà. Ce qui tient entre les mains, on appelle ça quoi? La Bible, n'est-ce pas? Qui l'a envoyé? Dieu. Et il l'a envoyé pour qui? Les Africains, les Blancs ou qui? Les hommes. Pour les hommes. Ok. Donc ça veut dire que c'est lui qui nous donne les renseignements qui s'y trouvent, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui a donné les renseignements qui se trouvent dans ce livre-ci, dans ce manuel. Ni vous, ni moi, ni les Blancs, ni personne sur la terre actuellement n'a écrit ceci. Donc, voici le livre dont personne sur la terre ne peut se prévoir là d'être l'auteur. Nous sommes d'accord? Voilà. Mais il a fait venir et écrit au milieu des hommes, au travers des hommes. Là n'est pas le problème. La discussion de ceci, ce n'est pas que ce sont les hommes qui ont écrit. Parce que les gens utilisent la philosophie en disant que ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ce sont les hommes qui ont écrit le livre de mathématiques, mais on accepte quand même. Ce sont les hommes qui ont écrit le livre de philosophie, mais les hommes acceptent quand même. Mais quand il arrive pour celui qui est de Dieu, on commence à philosopher. Donc il n'y a pas de débat à dire ce sont les hommes ou quoi qui ont écrit. Donc Dieu a écrit au travers des hommes. Et souvent c'est Dieu lui-même qui a écrit. Et d'autres, donc c'est lui qui se prévaut d'être l'auteur de ces livres-ci, n'est-ce pas? Ok. Si c'est Dieu et qu'il est tout puissant et qu'il connaît toutes choses, alors ça veut dire que c'est lui qui a il connaît les renseignements qu'il lui-même il a donné. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit dans cette parole-ci qu'il y a une entité qui s'est rebellée de lui et qui a pris le camp des dissidences. On l'appelle Lucifer. D'accord? Ok. Le principe de Dieu dit dans Romains chapitre 11, je ne vous ai pas donné cela ici, au verset 29 et suivant, la Bible déclare que les dons et les appels du Seigneur sont irrévocables. Donc, quand Dieu vous donne un don, même si vous faites n'importe quoi, il n'y reprendra pas. Lucifer était un chérubin aux ailes déployées. Donc, il avait la domination. Aux ailes déployées. Ça veut dire qu'il avait la domination sur beaucoup de choses. D'accord? Maintenant, il s'est rébellé. Dieu l'a expulsé sans pour autant prendre une partie de sa puissance. C'est là le problème. Notez Jean chapitre 14. Notez Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Notez Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 8. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Vous y êtes? Voilà. Dieu l'a expulsé. Notez Apocalypse, chapitre 12. Assez de nous, vous allez remplir le cahier si vous dites. Apocalypse, chapitre 12. Verset 1 à 12. Je crois que hier nous avons brossé un peu dans Apocalypse, lorsque nous parlions des anges, vous avez vu, on a dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon combattit avec ses anges. Donc, le dragon a ses anges. Il a ses anges. Donc, les personnes qui l'ont suivi là-bas, les êtres spirituels qui l'ont suivi. La Bible parle qu'il est descendu avec le tiers des anges. Donc, s'il y a 8 milliards d'anges au ciel, il est descendu avec le tiers qui sont à son service. Vous comprenez cela? Donc, vous voyez que chaque jour, on lit les démons, on ne finit pas parce qu'en fait, ils dépassent la population de la terre. Okay. Et dans un seul être humain, plus de 8000 démons peuvent se retrouver. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu ça dans la Bible, non? Donc, votre petit corps, là, comme ça, 6000 démons peuvent entrer dans votre corps. Oui, on peut tous les enlever, justement. Notez Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5. Dans ce Marc, chapitre 5, vous allez voir l'histoire où on parle du porc, où on a chassé les démons, envoyé dans le porc. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est quand il dit comme ça, moi, vous pouvez vous refaire. Même si vous avez seulement vu le film de Jésus, vous vous souvenez. Cet homme-là était dans les sépulcres, il s'est maîtrisé chaque jour. Quand il a confronté le Seigneur, Jésus lui a dit, qui a-t-il entre toi et moi? Et Jésus lui a dit, qui es-tu? Il dit, je suis légion. Parce que nous sommes nombreux, légion. Une légion, c'est 6000 personnes. Donc dans cet être-là, se trouvaient 6000 démons. Si Dieu permet que je vous explique la constitution de l'esprit et de l'âme à l'intérieur, vous allez comprendre comment... Parce que normalement, si un ange tient ici, sa tête peut être dans le soleil. Comment un grand être comme ça peut être dans une petite personne? Et ils sont non seulement un, mais 6000. Vous savez cela, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est le corps spirituel. Dans le corps spirituel, c'est ce qui se passe souvent. Dans votre ville, quand on fait souvent les rituels, je ne sais pas si je veux dire cela, il y a des zones du quartier où les gens dorment, ils sentent une pression, comme si on les maintenait sur le lit. C'est souvent un être puissant, le chef du quartier, qui s'étend ses ailes au-dessus du quartier. Il vous appuie pour prendre toute personne qui parlerait contre lui. Donc, ce sont les choses qu'on pourra parler. Merci, Dieu ne permet pas, on ne parle pas. Donc, Satan est un être puissant. Puissant. Donc, Dieu l'a expulsé du ciel sans réduire sa puissance. Parce que son principe à lui, Dieu le Tout-Puissant. Et la Bible déclare donc, dans Hébreux, comme j'ai cité ici, Romains 11, verset 29 et suivant, que Dieu ne se répand pas de ses dons, de ses appels. Parce que si Dieu le faisait, si Dieu était humain comme nous, je vous donne le téléphone, vous me dérangez, je dis, donne-moi le téléphone que je t'avais donné. Dieu ne fait pas comme ça. Comme Dieu avait créé Satan avec l'ange, l'archange appelé Lucifer, avec sa puissance, depuis le premier jour qu'il a créé, il n'a jamais ôté sa puissance. Donc le gars, il a chassé ce garçon-là avec cette même puissance. Que vas-y. Et les anges qui sont descendus avec lui sont descendus avec la même puissance. Ce principe-ci est bien pour que vous assimilez avant qu'on arrive là où on en voulait arriver. Pour tout ce qu'on expérimente là. Et le problème maintenant, c'est que ce sont des gens qui étaient dans le trône de Dieu, qui voyaient tout ce que Dieu fait. C'est parce qu'ils n'ont pas créé, ils avaient des attributs qu'ils manifestaient. Vous savez, les anges. Quand par exemple un militaire, comprenez très attentivement, vous avez une armée dans le pays. Il y a des généraux ici qui ont fait la même école de guerre. Donc ils ont appris les mêmes techniques. Les militaires ici ont eu les mêmes techniques. Donc ils se combattent, ils se connaissent leurs forces. Et maintenant il y a une dissidence où les militaires, le groupe se dirige, se sépare. Et ils viennent se combattre entre eux. Ils se connaissent parce qu'ils ont eu les mêmes formations. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est comme ça. Quand Lucifer s'est rébellé dans le ciel, le Seigneur l'a expulsé. C'est pour cela que je vous ai fait noter Éphésiens au chapitre 1 et au chapitre 2. Regardez très attentivement. Si vous regardez, chaque fois, les versets, je dis quand je vais parler, les versets vont sortir là-bas. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans le lieu, ça ne s'arrête pas comme ça. En Christ. Il faut qu'on précise en Christ, parce qu'il y a des bénédictions qui sortent dans les lieux célestes, mais ce n'est pas en Christ. C'est pour ça que si on dit christianisme céleste, c'est pas parce qu'on a mis le mot céleste que ça veut dire ça, le ciel. Parce qu'il n'y a pas un seul ciel. Satan a une domination dans un autre niveau du ciel. C'est ça. Hein? Maintenant, le chapitre 6 que je vous ai donné dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les principaux, contre les esprits méchants dans les lieux. Là, on ne met pas en Christ. Donc, dans les lieux célestes sont divisés en deux catégories. Donc, les cieux là sont divisés en deux catégories. Là où Christ règne et là où Satan règne. Et par conséquent, quand les gens ont une vision sur la terre, c'est commandité soit par Christ, soit par Lucifer. Vous devez vraiment. C'est d'où. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre à la lumière des Saintes Écritures. Le psaume 119, verset 105 dit : ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mes sentiers. Vous savez, n'est-ce pas ? Donc, sur la terre, Dieu n'a pas donné libre cours à quelqu'un de savoir, de chercher à se diriger par, par son intelligence. Parce que c'est pour l'intelligence, Satan est plus extrêmement intelligent, plus que tous les scientifiques réunis. Le dernier des démons est plus sage que tous les scientifiques qui existent sur la terre. Le dernier des démons. Enfin, ce sont les êtres supérieurs. Vous savez, n'est-ce pas ? Et par conséquent, Dieu ne nous donne pas de combattre ou de réfléchir envers eux selon notre intelligence, mais c'est selon la parole qu'on doit les combattre. C'est donc pour cela que la leçon 119, le verset 9, le verset 4, il dit que tu as prescrit tes ordonnances afin qu'on les observe avec soin. Et au chapitre 19, là, 119, psaume 119, le verset 9, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il répond dans ce même verset en se dirigeant d'après ta parole. Donc c'est la parole qui doit nous diriger sur le sentier que Dieu veut. Et par conséquent, si on regarde un sentier où on est de marcher, si c'est contraire à la parole, vous êtes dans les ténèbres. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, dans cet Éphésiens chapitre 6, la Bible nous enseigne donc qu'il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien plus, il y a les prisons en haut. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il y a des grands vides qu'on a creusés en haut où on enferme les âmes. Vous savez ça? Il dit, c'est la Bible qui le dit. Notez Jude. Jude. C'est donc pour ça que vous entendez les scientifiques disent qu'ils veulent aller sur Mars, ils veulent aller dans l'univers pour savoir s'il y a des habitants là-bas. Ils savent ce qu'ils cherchent là-bas. C'est ça donc, c'est eux qui essaient de contacter. Donc il y a des esprits méchants là-bas, des catégories de démons. Là-bas dans les lieux célestes. Il y a des dominations. Notez Daniel chapitre 6. Il dit Jude. Il se dit Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre, vous voulez quoi encore? Il dit notez Jude. Daniel chapitre 6, notez Daniel chapitre 6, je vais vous expliquer ce qui se passe dans Daniel chapitre 6. Notez maintenant aussi le chapitre 10 et le chapitre 11 de Daniel. Vous avez déjà lu le livre de Daniel. C'est compliqué là maintenant. Dans ce qui va aller dans notre passage alors. Vous avez déjà lu le livre de Daniel. Ok, dans le livre de Daniel, allons-y. Daniel, aidez quelqu'un à ouvrir Daniel là. Pourquoi on est? Parce que le thème c'est trop long. Daniel, vous ouvrez psaumes avancés, Esaïe, ainsi de suite. On va toucher le cas de l'hysope, toucher le cas des remèdes et des plantes traditionnelles, d'accord? Ça a plus évolué là. Donc vous ouvrez Jérémie. Après Jérémie, vous allez trouver donc là, Ézéchiel. Après Ézéchiel, c'est Daniel. Ça ne va pas de repérer d'abord les psaumes. Après les psaumes, vous avancez, vous allez les trouver devant. Daniel chapitre 10. C'est que je vais vous expliquer donc quelque chose pour vous saisir. Maintenant, pendant que vous allez d'ouvrir Daniel, pendant que vous allez d'ouvrir Daniel, non, ça ne peut pas être ici, ma soeur, tu es déjà trop loin, tu es déjà trop loin. Voilà, un peu là maintenant, tu vas trouver Daniel. Un peu seulement. C'est quel livre là-bas? Je vais le rendre, Daniel. Voilà. Si vous lisez la Bible, je vous ai donné des versets. Pendant que vous allez trouver, je vous dis des choses pour que vous compreniez. Nous voulons parler donc de la délivrance biblique. Pour qu'on vous explique bien cela, il faut que vous sachiez les origines de ce dont on va être délivré. Et par la suite, comprendre le comment on est délivré. Et pour regarder maintenant les fausses délivrances. Pourquoi ça ne marchera jamais? C'est pour ça que je suis obligé de passer pas comme ça. Maintenant, je vous ai donné Matthieu chapitre 4, verset 1 à 8. Si vous regardez Matthieu chapitre 4, verset 1 à 8, la Bible déclare que Jésus-Christ fut amené dans le désert par le Saint-Esprit où il aurait été tenté. Pendant 40 jours et 40 nuits, il ne mangea point, il ne but point. Et puis le tentateur vint vers lui. Satan est venu vers lui. Que si tu es le Fils de Dieu, mange, transforme ces pièces en pain. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Jésus lui a dit, il est écrit. Donc le Seigneur a dit que devant Satan, on marche d'après la parole. C'est la parole qui fait lui balancer. Maintenant, en dernier ressort se trouve donc la tentation de Jésus qui révèle la nature de Satan. Il dit, prosterne-toi devant moi et adore-moi et je te donnerai tous ces royaumes, les royaumes de la terre et leur gloire. Dans le chapitre 4 de Luc, il dit, car cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc, vous devez mesurer les gens qu'on appelle chefs d'État. vous devez réfléchir, qui lui a donné le royaume. Il dit, prosterne-toi devant moi. Satan dit à Jésus, adore-moi, je vais te donner ce royaume-ci, le royaume de la terre. On dit, il le transporta en esprit dans un dessin, il lui montrait tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Donc il a présenté chaque pays qui va se passer sur le monde. Vous comprenez? Maintenant, regardez bien ce qu'il veut dire. Dans la Bible déclare que Satan a transporté Jésus. C'est Satan qui l'a transporté. Un. Deux. Et lui a montré. Satan a montré la vision à Jésus. Donc Satan montre des visions. Vous comprenez cela? Il lui a montré les visions de la terre. Tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Il a présenté le boulevard, votre boulevard, présenté la présidence de la République du Gabon, et ainsi de suite. Que vous voyez? Ouma Bongo, c'est qui? Il te donne ça, dis donc. Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Il est écrit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras seul. Mais regardez bien ce qu'il a dit. Il dit que cela lui a été donné. Donc le royaume de la terre lui a été donné. Et il dit qu'il donne ça à qui il veut. Donc les gens qui acceptent servir Satan, Satan leur donne la gloire. Voilà pourquoi il y a beaucoup de tueries. Beaucoup de sectes religieuses, de meurtres, des rituels. Parce que c'est en compensation de la gloire qu'il donne. Donc ne soyez pas stupide que votre présence soit des tueurs. Les dirigeants soient des tueurs. C'est normal que ce soit ainsi. Parce qu'ils ont hérité la gloire. D'accord? Tout, pas ici. On y va. Dans Jean, donc, chapitre 14, verset 31-30, que je vous ai demandé de noter, le Seigneur Jésus-Christ va dire aux soirées de la sortie où il va vouloir aller pour être livré à la croix. Il dit, je m'en vais. Le prince de ce monde, s'il arrive, il n'a rien à moi. Donc le Seigneur Jésus, comme il quitte comme ça, c'est pour que celui-là reprend sa domination. C'est lui qui a dit, c'est Jésus qui a dit, que comme il parle, le prince de ce monde aussi vient. Le prince du monde, donc le grand gouverneur du monde. Il parle comme ça de Lucifer. Vous comprenez cela? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, dont je vous ai donné, la Bible déclare, nous savons que nous sommes des dieux et le monde actuel est sous la puissance du malin. Donc vous l'admettez ou non, nous sommes au-dessus de quelqu'un des ténèbres, du prince des ténèbres. Il gouverne. Et le plus grave, c'est que le Seigneur nous a laissé dans ce territoire en sachant. Il dit que vous aurez des tribulations. Prenez courage. Donc on vit en territoire ennemi. Chez le prince des ténèbres, servant le Seigneur Jésus, le prince des lumières. Et si c'est le prince des ténèbres, et si c'est lui qui gouverne, sachez que dans tous les strates humains, toutes les souches de la vie humaine, il plonge ses tentacules. Il n'y en a pas où Satan ne règne pas. On dit, le monde actuel est sous la puissance de Satan. Fin de citation. Donc, ça veut dire que c'est Satan qui gouverne. Que vous le croyez ou pas, que vous le voulez ou pas, c'est même Jésus lui-même qui a dit. D'accord, frère? Vous êtes dans Daniel. Ok, maintenant, dans Daniel, on va voir l'un de ses gouvernements. Chapitre 10. Regardez le verset, il veut lire à partir du verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phas. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme dans l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7, moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Verset 8, j'ai resté seul, et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Vous avez vu? Ici, il vient d'abord m'arrêter pour noter Hébreux chapitre 1. Hébreux au chapitre 1. Notez le verset 14 d'Hébreux. Écoutez très attentivement. Daniel, l'ange dit ici à Daniel que tu es un bien-aimé. Je suis envoyé vers toi. Quand vous allez lire Luc au chapitre 1 et au chapitre 2, lorsque, chapitre 1, lorsque Gabriel va se présenter, il dit que je me tiens devant le Seigneur, je suis maintenant envoyé vers toi pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Quand Zacharie titubait, il a dit que je suis envoyé vers toi pour te dire cette bonne nouvelle, et tu ne crois pas, voici, tu ne parleras pas jusqu'à ce que l'enfant soit né. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc, les anges sont envoyés par Dieu. Ce n'est pas les hommes qui demandent les anges. Vous comprenez? Donc, les hommes ne doivent pas prier les anges. Vous priez les anges, vous en avez de contacter les démons. Notez Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 19. Je vais que ça soit bien clair, vous vous assimilez ça avant que j'aille. C'est pour ça que vous voyez dans l'Église catholique, l'Église catholique pousse seulement les gens dans la désobéissance. Il dit que chacun invoque son ange gardien. Il me crée de prier l'ange Michel-Michael qui vient comme cela. La prière est adressée seulement à Dieu. Seulement à Dieu. Vous saisissez, n'est-ce pas? Donc la Bible déclare ici dans ce verset 11 que l'ange dit à Daniel que je suis envoyé vers toi. Ce n'est pas Daniel qui l'a invoqué. Dieu a commissionné l'ange pour venir. C'est pour ça que dans Hébreux chapitre 1, vous avez noté verset 14, la Bible déclare que ces anges-là sont au service de ceux qui sont en, doivent envoyer, hériter le salut. Ils sont en notre service. Donc ils sont envoyés en mission. Et ils envoient, Dieu envoie en mission lorsque son plan à lui veut que quelque chose arrive. Quand Jésus devait naître, dans Matthieu chapitre 1, verset 18, la Bible déclare que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous voyez, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Maintenant, Joseph, son mari, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec lui, avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur vient en son lui dit, Joseph, ouais, non, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint. C'est pas Joseph qui a appelé l'ange pour lui dire qu'est-ce qui se passe. C'est Dieu qui a décidé parce qu'il voyait sa pensée. Il voyait qu'il va commettre une gaffe. Là, il a envoyé l'ange. Vous comprenez? Quand l'ange a vu, quand Hérode avait su que les mages sont venus lui donner le renseignement que l'enfant est né, il dit, allez prendre des renseignements et venez. Quand vous allez venir vers ici, je vais aussi aller adorer. La Bible dit divinement averti par les sons, ils ont pris un autre détour. Quand Hérode attendait qu'il vienne, il ne vienne pas. Il a pris soigneusement depuis le temps que l'étoile brillait. On a dit de 2 ans en dessous. La Bible déclare qu'il a envoyé les gens pour aller tuer l'enfant là-bas à Rama, sachant qu'en tuant l'enfant, il va tuer l'enfant là parmi. Mais la Bible déclare que dans la nuit, un ange du Seigneur vient dire à Joseph, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et fuis en Égypte jusqu'à ce que je t'appelle. Vous savez cela? Donc c'est l'ange qui décide avec l'aval de Dieu pour venir vers l'homme pour donner un message. Dieu, dans la Bible, n'a jamais demandé à un homme de contacter un ange. Toute personne qui vous fait cela, vous contactez les démons sans vous en rendre compte. Même si vous appelez ça Michael. Amen. Amen. Continuons. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Vous êtes, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez, maintenant, c'est ici les révélations commencent. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. La Perse, ce qu'on appelle l'Iran maintenant. L'ange vient dire à Daniel, et la Bible déclare que quand il s'est positionné là-bas, sa face brillait. Sa voix, quand il parlait, c'est comme une multitude. Un ange, vous voyez? On dit que c'est quand il s'est mis là-bas, les autres personnes qui étaient tout autour du fleuve, grand fleuve Hiddekel, n'avaient pas vu la vision. Mais c'est sa présence qui a changé l'atmosphère du lieu. Les gens commencent à détailler que quelque chose ne va pas ici. Daniel, c'est ce qui voyait la vision. Mais cet ange-ci avait son être effrayant au point où le visage même de Daniel s'est décomposé par sa présence. Cet ange-ci dit que le prince, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc il a pris 21 jours pour qu'on l'a bloqué, pour qu'il vienne de lui. Donc si on n'avait pas bloqué, il serait venu depuis 21 jours. Cet être-ci, avec cette puissance céleste, quelqu'un lui résiste 21 jours. Qui l'a bloqué pendant 21 jours? Il dit c'est le chef du royaume de Perse, donc le démon qui commande la ville de Perse, l'Iran, l'a bloqué. Voilà les démons contre lesquels nous avons à lutter. L'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, c'est pas comme quand vous avez un sorcier devant vos physiques, sachez que c'est pas lui le problème. Il y a un être qui le commande. C'est cette tête-là qu'il faut combattre. Vous cessez, n'est-ce pas? C'est pour ça que si vous prenez une sorcière, vous brûlez, ça ne résout pas le problème. Le même esprit de sorcellerie sera dans le pays. Il faut traiter la chose. Donc chaque pays, sans exception, est gouverné par un démon. Chaque pays dans ce monde est gouverné par un démon. Ici, il parle de Perse, l'Iran. Donc, depuis le temps de Daniel, ce même chef-là est toujours là. Le gouvernement va changer sur la terre. C'est lui qui sera là-bas en haut. Vous voyez cela? Il dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Et regardez bien ce qu'il va dire maintenant. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc Michael a dû quitter encore au ciel. Venir pour combattre, pour descendre, pour faire le passage. Donc, tourne-toi dire à quelqu'un que le combat se passe au-dessus de nos têtes. Vous voyez que l'ange est envoyé par Dieu pour venir traverser ça à un homme sur la terre. Il est bloqué par un démon. Et quelqu'un met la main dans le comme celle-ci tout à l'heure, il a dit, regarde bien, on met la main dans la poche, il dit qu'il ne peut rien me faire. Donc elle a dit tout à l'heure que si elle n'est pas en main, elle ne croit pas à ces choses-là. Si tu ne crois pas, tu ne crois pas. Regardez la présence de cette personne. C'est que tu ne crois pas, que tu crois. Ça empêche sa puissance sur toi. La preuve en est que quand tu dors, on porte même ton âme. On part travailler en Afghanistan avant de venir le mettre. Le matin, tu dis, comment il s'est cassé comme ça? Tu ne sais pas que tu as fabriqué les briques là-bas. Donc tes portes sans même ton avis, pas vrai? Vous dormez, vous voyez comment vous volez, tu vois, tu dis, je nage, tu nages où? On prend vos forces, on suit votre énergie. Donc que tu ne crois ou que tu ne crois pas où? Vous n'avez pas mal. Si, ok, un démon se présente là-bas. Il dit, je ne crois pas que le démon existe. Ça va l'empêcher d'être là. S'il doit te gifler, ça l'empêche d'être giflé. Maintenant, la Bible déclare ici donc que c'est l'un des principaux chefs appelé Michael qui est venu au secours de cet ange-ci, et cet ange effrayant. Je veux que vous mesurez bien le prix. Je suis en train de vouloir faire comme ça. J'insiste là-dessus pour que vous mesurez d'abord l'ennemi avec contre lequel nous combattons. Un ange du Seigneur qui est effrayant dans sa présence même, quand tu ne sais même pas qu'il est là, l'atmosphère est saturée par la peur. Un démon lui a résisté 21 jours, au point où il a eu besoin de secours. Alors le camp ennemi donc est puissant. Le camp ennemi est puissant. Vous devez savoir avec qui on a fait. C'est pour ça que la Bible déclare que si vous insultez Satan, vous allez rendre compte à Dieu. Vous savez ça, hein? Donc quand vous dites, non, Satan, je m'en fous de toi, je te tape, botte les fesses de Satan, fais attention, vous faites ça au péché. Vous riez comme ça, là. La Bible déclare qu'il méprise l'autorité et injurie les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il disputait contre le Satan, le corps de Moïse n'osa pas porter contre lui les propos injuriés. Mais il a dit que le Seigneur te réprime. Donc, n'insultez pas Satan. Vous ne connaissez pas qui il est. Laissez-le, il a des problèmes avec Dieu. C'est Dieu qui traite son cas. D'accord? Vous insultez Satan, vous commettez le péché. Ok, on avance. La Bible déclare verset 13, dans le désir, on vous pousse à pécher à tout vent. On vous fait pécher à gauche, pécher à droite. Que Satan, il te piétine. On t'a dit qu'il est sorcier. On dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. L'air au-dessus de toi, pas en bas. Ou piétine, tu te fais mal pour rien. Satan se trouve au sol. Vous avez quelque part là-bas qu'il est dans la terre. On a dit que c'est le prince de la puissance de l'air. Quand vous faites même comme ça, tu guettes comme ça, tu dis que celui-ci, même, il a même vu mon Iboga l'autre jour. Je vais le gifler ici. Après, il ne vous occupez de lui. Son nettoyage est là. Verset 13 encore. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Regardez ce que l'ange dit. Il dit, je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Donc, pendant que le démon... Si vous voyez, voici les versets qui montrent la miséricorde de Dieu sur les nations. Si Dieu avait laissé la totale domination à Satan, il y a ça longtemps détruire la terre. Donc, malgré qu'il a laissé la domination à Satan, il a l'œil gendarme là-dessus. Parce que la Bible, l'ange a appelé le chef, que la Perse a un chef qui gouverne. Mais il dit qu'il est resté là près d'eux pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Vous voyez la miséricorde du Seigneur. Malgré que le pays vit dans la désobéissance, contrôlé par le démon, Dieu a toujours sa main mise. Amen. Dieu a toujours sa main mise pour l'empêcher de détruire. Vous comprenez? Maintenant, il y a des anges qui sont parasonnés aux quatre coins de la terre. Depuis que Dieu a fondé la terre, il a déclaré. Quatre anges sont là comme ça, ils attendent seulement le jour. Quand vous prenez l'avion, vous traversez sur l'air de voyager. Vous prenez l'avion, vous traversez sur les anges. Ils sont là, ils vous guettent. Le jour arrive. La Bible déclare le jour, l'heure. Quand Dieu va dire détacher, ils vont faire pouf, le continent va être détruit. Ils sont là, quatre. C'est la Bible qui enseigne ça. Donc ils sont là, ils ne se fatiguent pas, ils sont sur les mers, les anges, les eaux. Ils sont dessinés aussi. Quand vous faites tous les rituels chaque jour, ne vous inquiétez pas. Celle-ci nage, il dit que j'ai vu mon blanc et autres. Nage, il vous voit. On avance ici. Ouvrez donc la Bible encore. Ouvrez Lévitique. Là, ça choque. Hein. Ça choque, il n'y a pas de problème, mais c'est la vérité quand même. On a convenu que la Bible a été la vérité, non? Oui. Vous voyez comment Dieu fait sur la terre? Il prévient les gens. Les gens font des rituels dans les rivières. Rituels pour avoir de l'argent. Les rituels, ils tuent des enfants. À un moment donné, il avance. Poum, il dit à l'ange là-bas que pique ton couteau, pique ton épée dans la main. Et puis, poum, un feu déjà, il est là-bas. Les scientifiques appellent ça le cyclone. Alors que c'est un démon qui l'a envoyé. Boum, boum, boum, boum, boum, il fait pam, il casse. Pour vous dire que, enfin, on va voir cela dans un autre enseignement. Pour vous dire que, repentez-vous. Repentez-vous. Quand vous entendez les catastrophes, Dieu nous dit, repentez-vous. Vous entendez cela? Que changer de voix, c'est ce qu'il a dit. Les catastrophes disent, repentez-vous, les catastrophes. Les catastrophes naturelles, c'est un message pour dire, repentez-vous. Ils font ça. Quand ils font cela, un autre gangan vient dire que c'est parce que les dieux des eaux étaient fâchés. Faites les rituels. Donc, ce que Dieu reproche, on peut encourager de faire la même chose. Lévitique chapitre 19. Frère Dimitri, tu vas pouvoir me lire ça à haute voix parce que je suis fatigué d'ouvrir la Bible ici. Donc. D'accord? Maintenant, le verset 31, vous avez noté ça aujourd'hui. Verset 31, le chapitre 19. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Oui. Ni vers les devins. Oui. Ne les recherchez point. Oui. De peur de vous souiller avec eux. Oui. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Qui a parlé? Dieu. Il a dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Vers les devins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. Soulignez, souiller avec. Ce passage dit que ceux qui travaillent avec les esprits sont souillés. Souillés attentivement. Je ne parle pas de ceux. La personne qu'on appelle Ngangan, les marabouts là. La Bible là, le verset là, ouais, là c'est l'Immaculée Conception, l'Immaculée en train de chercher encore les vêtements. Aide-la à trouver les vêtements pour qu'elle voit ça de ses propres yeux. Je fais tout et tout pour que vous ayez ça devant vous, pour que quand vous voulez parler aussi à quelqu'un, vous sachiez que vous avez déjà vu. Même si vous ne savez pas où vous avez, vous dites que vous savez au moins que vous avez vu. Lévitique chapitre 19, le verset 31. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. C'est le commandement. Remarquez bien, il dit, je suis l'Éternel. Donc, vous n'avez pas l'ambiguïté de savoir qui en est de parler. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les divins. Ne les recherchez point. De peur de vous souiller avec eux. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas souillés. Si vous allez avec eux, vous serez souillés. Donc, eux, ils sont déjà souillés. Pourquoi? Parce qu'ils servent les esprits impurs. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus va venir, il va dire, toi, esprit impur, sors de cet homme. Parce que lui, il a souillé, parce qu'il a quitté la gloire pour entrer dans une dimension qui ne devait pas être leur. Donc, ils sont souillés. Et il vient de contaminer les gens. Vous comprenez cela? Vous avez suivi? Alors, ça veut dire que toute personne qui a contacté, d'une façon ou d'une autre, de proche ou de loin, un gangan, c'est souillé. Et quand on dit, où tu t'es souillé avec qui? Les esprits impurs. Vous voyez cela? Donc, il faut quoi? La délivrance. Il faut la délivrance. Chapitre 20. Après cela, je vais faire la rhétorique maintenant sur notre confession chrétienne aujourd'hui. Vous allez voir. Finissons. Chapitre 20, le verset 6. Vous avez la notice là, ne vous ne renotez plus. Verset 6, allons-y. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Fin de citation. Vous avez entendu cela? Maintenant, il y a des rituels où quand quelqu'un meurt, on ne peut pas faire les rituels sur la tombe. D'autres s'adressent aux morts. On dit que mon papa, je n'étais pas oublié. Longtemps après, il peut faire le papa, je n'étais pas obligé. Je vais venir construire la maison sur ta tête. Il ne faut que pas construire la tombe du papa. Papa, viens, ouvre-moi la porte pour que je trouve l'argent pour pouvoir réussir. Donc, vous pensez qu'il est content là où il se trouve? S'il était content, il devait mourir. Si l'amour était une bonne chose, il serait allé là-bas. Tourne-toi dire à quelqu'un que ne parle pas avec les morts. Même si tu aimais ton père. S'il est mort, c'est terminé. Voilà. Vous avez saisi? Voilà ce que la Bible déclare. Que ne vous tournez point vers le mort. Que ce qu'elle s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer. Cette façon, c'est la prostitution. Donc, normalement, on doit s'adresser à Dieu. Si tu t'adresses là-bas, c'est de la prostitution. Donc, c'est exactement comme quelqu'un qui avait une femme, mais va avec d'autres femmes. Vous saisissez? Deutéronome chapitre 18. Je vous ai donné au chapitre 18 aujourd'hui de Deutéronome. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous donner les versets. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Aidez quelqu'un à trouver Deutéronome chapitre 18 pour qu'on y aille rapidement. Je suis en train de mettre d'abord les jalons. Je n'ai pas encore commencé à toucher la délivrance. Je vous présente les forces contre lesquelles on a été délivré. Vous allez voir leur force, la puissance qu'ils ont. Et ce qu'ils cherchent en réalité. Ils cherchent à nous souiller, à nous pousser à être prostitués devant Dieu. Ici, être celle-ci. Deutéronome chapitre 18. Cinquième livre de la Bible. Vous y êtes dedans, c'est bon? Prenons les versets 9 à 14. Allons-y, mon cher. Versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Stoppons d'abord là-bas et commentons. Quand vous voyez n'importe quel Africain et le courant panafricanisme traditionnel qui existe maintenant, ils disent qu'avant que les Blancs ne viennent avec le livre des religions, des livres tels que nous avons là, les Africains servaient Dieu. Ils disent que nos grands-parents connaissaient Dieu. C'est ce qu'on dit, non? Et beaucoup soutiennent Mobicus comme ça, que les gens, les Africains sont en train d'être dépaysés par rapport à leur culture pour suivre d'autres, la culture des Blancs. Je vous pose la question, depuis ce qu'on a dit là, il y a la culture des Européens dedans. Non. Depuis ce qu'on a dit là, Dieu a parlé des Européens quelque part. Non. Y a-t-il un avantage pour les Blancs là-dedans? Non. Donc ce n'est qu'une fuite en avant pour ne pas respecter le commandement de Dieu. Donc Dieu dit ici aux Juifs, premièrement, je veux que vous voyez quelque chose. Les Juifs se trouvent en Égypte. Ils sont en train de sortir pour entrer dans un pays. Dieu leur demande que lorsque vous serez entré dans le pays, là où je vais vous faire entrer, faites attention, n'imitez pas la tradition de ces gens-là. Ne faites pas comme eux. Vous êtes un peuple à part. Vous avez une façon de fonctionner. C'est moi qui suis l'Éternel, je vous ai choisi. Vous avez mes lois. Ne les imitez pas. Qu'il n'y ait pas chez vous les divins. Qu'il n'y ait pas chez vous ceux qui évoquent les esprits. Qu'il n'y ait pas chez vous. Parce que ces personnes-là ont eu. Vous remarquez donc qu'avant que les Juifs ne viennent, les divins étaient déjà là, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose seulement d'Africain. Parce qu'on ne parle pas des Africains, on parle des Cananéens, donc les gens dans le Moyen-Orient. Avant que les Juifs eux-mêmes ne viennent, où la Bible s'est sortie, il y avait déjà les marabouts. Il y avait déjà les gamins. Éphésiens chapitre 2. Mettez le doigt là, ne fermez pas. Mettez seulement le doigt avant, on va y revenir. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens. Aidez quelqu'un à trouver Éphésiens. La Bible est décapotable, ma soeur. Décapotable. Donc, si on dit Genèse, c'est là. Vous voyez que vous pouvez acheter des beaux sacs, des belles chaussures, des mèches de 500 000 francs. Mais la Bible de 4500 francs, c'est face à un problème. Ah, Dieu. Vous allez demander à quelqu'un que vous avez quoi? J'ai pas de Bible. Dans ton sac, il y a quoi? Rouge à lèvres. Éphésiens chapitre 2, vous y êtes. Oui. Maintenant, regardons les versets 11 à 13. Allons-y, disons ça, frère. Écoutez tout ce que la Bible déclare. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Stop. Donc la Bible est formelle. Avant que Christ ne soit prêché quelque part, même si les personnes là se targuent qu'on est de Dieu, ils étaient sans Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Que vous païens, autrefois, quand vous ne connaissez pas encore Christ, souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Dieu, étranger aux promesses de Dieu. Mais le problème, c'est que ce qu'on appelle Dieu, les gens pouvaient, les êtres se font passer pour Dieu, pour des divinités. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 8, la Bible déclare qu'il y a plusieurs dieux dans les cieux et même sur la terre. Mais pour nous, les croyants, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur. Donc avant que l'Évangile ne vienne pour révéler le divin, le grand Dieu créateur, aucun Africain ne servait le vrai Dieu. Et ce n'est pas, je dis encore, ce n'est pas seulement le problème des Africains, parce qu'avant que les Juifs ne sortent de l'Égypte pour aller également à Canaan, cette population-là servait d'autres divinités que nous savons encore aujourd'hui. D'accord, frère? Ok, maintenant rentrons donc dans Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18, où nous étions tout à l'heure. Deutéronome chapitre 18, je vous ai demandé tout à l'heure de ne pas fermer. Allons-y. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous avez entendu? Mais dans les familles maintenant, les gens, vous regardez quelqu'un, on dit, non, ce pouvoir, il a hérité ça de grand-père. Il est né naturellement avec. Vous comprenez cela? Et par conséquent, il dit, non, mon pouvoir, j'ai détruit mon pouvoir de Dieu. Le don spirituel, en dehors de la Bible, même si tu fais n'importe quoi, même si c'est exact, plus exact que l'exactitude, tu fais la sorcellerie. Je souviens bien ce que je dit. Si vous avez un don spirituel, comme on dit par exemple, l'enfant, s'il est né avec tel don, il voit, il soigne les gens. Et quand les gens vont là-bas, ils vont trouver le résultat. Le résultat, il dit ce qui est juste. Ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, ça ne veut pas dire que c'est pas qu'il soit juste ou fausse. D'accord? Parce que même le métier des charlatans, il y a des gens qui sont entrés aussi là-bas pour avoir de l'argent. Il y a des vrais charlatans qui te disent les choses exactes, qui soient vraies. Ce n'est pas le fait qu'ils soient vrais qui montrent, c'est par l'Esprit de Dieu. Acte des apôtres, allons dans Acte des apôtres. Gardez le doigt dans le trône, pourquoi ne pas à y revenir avec difficulté. Acte des apôtres. Donc vers la fin là, Acte des apôtres. Qui est? Voilà. Acte des apôtres. Tu voulais poser une question? Dans ce sens-ci. Oui mon cher, vas-y. Est-ce que quelqu'un peut avoir un don et que le don se manifeste avant sa conversion? C'est seulement les prophètes. Vous y êtes, Acte des apôtres, Acte des apôtres. C'est seulement les prophètes qui sont ainsi. C'est seulement les prophètes. Parce que le prophète, ce n'est pas un don spirituel. Tu comprends cela? Mm-hmm. Si quelqu'un a le don de prophétie, ça doit se manifester après la conversion. Mais le prophète, lui, il naît prophète. Donc, depuis l'enfance, il a les visions. Maintenant, allons-y ici. Nous sommes là au chapitre. J'ai donné le chapitre. Prenons le chapitre 16. Ramassons là-bas. Chapitre 16. Il vous a donné ça aujourd'hui, non? Vous avez noté chapitre 16. Regardez le verset, il dit verset, verset 14 à 17. Apprenons-y donc. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Mmh. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Oui. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Mmh. Écoutez maintenant, écoutez. Comme nous allions au lieu de prière, oui. Une servante qui avait un esprit de python. Soulignez. Une servante qui avait un esprit de python. Donc quelqu'un est comme ça, c'est le python qui est à l'intérieur de son corps. Oui, et? Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Stop. Donc en devinant, elle faisait la divination. Procurer un grand profit à ses maîtres. Donc cette personne à ses maîtres. C'est pour ça qu'on parle de l'initiation. Dans tous vos petits brahas que vous avez eu ici, vous avez vu cette maman-ci a dit qu'elle est allée là-bas avec une personne. On lui a donné l'iboga. Et celle-là, à l'issue de ça, lui demande dans la vision, qu'est-ce qu'on vous a donné? Elle ne vous demande pas que qui a donné. Elle vous amène comme ça, c'est un peu comme les uns et les autres ici. Vous avez écouté l'évangile ici, ça vous a touché. Vous êtes allé prendre quelqu'un d'autre, viens aussi et voir. Pendant que vous faites ça, pour le Seigneur, les agents du diable font la même chose pour leur maître. Donc il y a des évangélistes de Satan, des apôtres de Satan. Vous avez quelqu'un dit, oh, j'ai vu un blanc là-bas, le blanc là cherche une jeune fille comme toi, viens. C'est un agent recruté pour Satan. C'est n'est-ce pas? Donc vous voyez, cette maman dit, quand j'ai mangé le boga, on est entré dans la vision. Et cette femme-là, à l'issue de ça, pose la question de savoir, qu'avez-vous vu? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Qui est ce on-là qui doit donner quelque chose dans la vision? C'est maître. Donc elle est faite pour donner les âmes et en échange on donne les richesses. Donc les âmes, puisqu'on a dit de vous souiller, c'est pas le corps qui est souillé, c'est l'âme qui est souillée. Ça veut dire que Satan met ses cachets là-bas pour certifier que ça vous lui appartenir. Ça veut dire tôt ou tard, s'il a besoin de vous frapper, il va vous frapper parce que vous êtes venu chez lui. Vous comprenez cela, la dangerosité de côtoyer ces messieurs-là? Vous comprenez, n'est-ce pas? La Bible dit de lui dans Ésaïe chapitre 14 qu'il ne relâchait pas ses prisonniers. Satan ne fait pas de grâce présidentielle, jamais. Il faut que le Saint-Esprit vienne vous délivrer de la réception. On va parler de la délivrance, véritablement. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit que, comme nous allions dans un lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit, des grands gains à son maître. Donc, cette personne, sur ses mains-là, pendant qu'elle voit, elle fait le courrier, d'autres jets de courrier, elles ont des personnes qui les parrainent. C'est pour ça qu'il faut qu'elles font des sacrifices pour grandir dans ça. D'autres encore plus clairs, c'est la franc-maçonnerie. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, tu amènes quelqu'un, un agent. Puisque tu amènes, peut-être que tu peux, on dit, dans ton statut, à ce niveau, si tu as 15 personnes à amener. Il ne doit pas te dire jamais qu'il a un intérêt là-dedans. Il te dit, fais comme s'il veut t'aider. Que non, il faut souscrire. Quand tu souscris, on dit que qui t'a parlé là, dans sa fiche, dans la fiche que tu vas la remplir, tu dis c'est telle personne, c'est telle personne qui me paraît. Cette personne te paraît, il fait comme ça, 18 personnes, lui présente un autre grade. Quel est l'intérêt de Satan? C'est vos âmes. Il peut vous donner n'importe quoi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a posé la question, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous devez bien réfléchir. Vous voyez? Mais maintenant, je vais vous dire un instant avant qu'on continue, c'est pour que vous compreniez le pourquoi les êtres humains se trouvent enchaînés comme ça. C'est parce qu'on n'a pas compris que les difficultés et les souffrances sont des moyens d'expression et d'attirance de Dieu. On n'a pas compris cela. On n'a pas compris que les souffrances et les difficultés que nous pouvons traverser sont des moyens d'expression de Dieu pour nous appeler à lui. Et comme on n'a pas compris ceci, ça nous pousse à ce que quand il y a une souffrance, une difficulté, on veut à tout prix que ça se résolve. Et quand on prie, Dieu sait qu'il a mis ça pour t'attirer à lui. Il ne peut pas enlever parce que tu dois comprendre son cours. Vous saisissez, le texte de Deutéronome 8. Deutéronome 8. Lorsque tu n'as pas assimilé, c'est jusqu'à ce que tu assimiles. Lorsque tu n'as pas assimilé ce que Dieu veut que tu saches, c'est jusqu'à ce que tu assimiles. Et tu vas passer à l'étape supérieure. Donc dans la marche avec le Seigneur, on ne saute pas les étapes. Tu dois valider tout le cours. On n'arrondit pas les notes là-bas, tu dois tout valider. Vous saisissez, n'est-ce pas? Ok. On ne dit pas que, ouais, il a eu 9,50, mettons-le devant. Non, non, non, non, tu dois comprendre. Parce que chaque but que tu traverses sert à l'édification plus tard pour que tu puisses prendre quelqu'un derrière. Maintenant, je n'ai pas demandé que vous allez dans Deutéronome, mais effectivement, on va y aller. Il dit noter. Parce que je suis en train d'expliquer quelque chose, le passage vient. Il dit donc les difficultés et les problèmes que nous pouvons avoir face dans nos vies. Ce sont les moyens de Dieu pour nous inviter à lui, pour nous convoquer à lui. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Donc il y a des choses cachées. C'est-à-dire, pourquoi cette difficulté? Alors, comme il y a la difficulté, tu ne parviens pas à comprendre, c'est son invitation à pour que tu viennes. Voilà pourquoi il le fait. Parce que si tu n'as pas de problème, tu ne viendrais pas à lui. Vous priez Dieu, en fait, c'est parce que vous avez des problèmes. Vous saisissez, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez très attentivement. Donc, lorsqu'on n'a pas assimilé ces principes, on cherche à sortir des difficultés. Là, on se trouve dans la main tendue de Satan. Viens, je te donne telle chose. Viens, je te donne telle chose. Viens, je te donne telle chose. C'est pour ça que le Nouveau Testament va épiloguer là-dessus. Très bien. Il dit que les évangélistes vont sortir comme des champignons selon leurs propres désirs pour prêcher selon les désirs des gens. Je veux voyager. Je veux voir les blancs. Je suis au chômage et autres. Les évangélistes vont sortir pour vous satisfaire. Et en faisant comme ça, ils vont donner les doctrines des démons. Parce que vous voulez sortir de ces problèmes-là. Ils vont vous donner les doctrines de prospérité. Dieu, vous allez prospérer. Amen. Amenez les trucs ici. Amenez tous vos slips ici. On prie sur vos slips. Pour que si l'homme sang vos slips, il soit derrière vous comme le chien. C'est quel genre de sorcellerie dans le milieu de l'église? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tourne-toi, pointe le doigt à quelqu'un. Dis, les difficultés te parlent. Que Jésus t'appelle. Voilà. Vous avez saisi? Allons-y dans Deutéronome 8, donc voir quelque chose. Deutéronome chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 1 de Deutéronome 8. Suivez très attentivement ce qui vient de dire, cette notion-ci. Vous avez ouvert? Ok. Maintenant, regardez. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Maintenant, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, souligner. Afin de t'humilier et t'éprouver, souligner. Maintenant, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir, encadré pour savoir. Vous voyez, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Verset 3, écoutez bien les principes du Seigneur. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de faim. Vous y êtes? Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre. Soulignez. Afin de t'apprendre. Vous y êtes? Afin de t'apprendre que. Allons-y, 1, 2, 3. Pendant combien de temps il a fait prendre ce cours-là? 40 ans. Pour qu'il comprenne quoi? Vous avez vu comment le Seigneur a fait? Il a pris combien de temps? 40 ans. Pour faire assimiler combien de cours? Un seul cours. C'est-à-dire, il voulait leur dire quoi? L'homme ne vit pas de pain seulement. Mais de? Il lui a pris combien de temps? 40 ans. Lui, il les a humiliés pour l'éprouver. Il leur a donné la famine. Pour qu'ils comprennent que quoi? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de sa bouche. Il a pris combien de temps? 40 ans. Donc quand vous mélangez vos cours ici, mathématiques, physique, si pendant 9 mois vous composez, Dieu peut faire 40 ans pour que tu fasses comprendre une notion. Une. Amen. Voilà ce qu'il a fait dans le désert. Il dit qu'il t'a humilié et t'a éprouvé afin que tu apprennes à comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'il faisait exprès qu'il donne l'eau aujourd'hui. Il fait 3 jours, il ne donne pas le désert. Le soleil les chauffe bien. Il dit Moïse, cet homme-là, il commence à dire cet homme-là. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Vous comprenez, Moïse, on avait le concombre là-bas en Égypte. On avait le poisson braisé. Il nous a fait tourner. C'est sûr que lui-même est égaré dans le désert. Mais il ne savait pas qu'il était dans le cours. Donc Dieu n'a pas une école où il forme les gens, où il met tes mains là-bas et dit que tombe un. Que veut dire aimer? Ce n'est pas comme ça. Amen. Que veut dire aimer? Ne fais pas ça. Il met quelqu'un au-dessus devant de toi. Tu lui donnes faire du bien, il te déteste. Dieu veut t'apprendre à aimer ton ennemi. Il prend ton ennemi, il te met à côté de toi. Tu dis, je fais quoi celui-ci? Tu n'as rien fait. C'est parce que Dieu veut que tu assimiles que ton prochain peut être en difficulté avec toi. Mais tu dois l'aimer. Tu dois assimiler ça. Dis, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter un mari qui est comme ça? Tu veux que c'est une femme qui mérite ça? Vous voulez qu'on donne déjà des maris à plutôt autre femme? Qu'est-ce qu'elle-même a fait pour mériter? Donc, Dieu a jeté ton dévolu sur toi. Que Seigneur, je fais n'importe comment, il ne m'aime pas. C'est pour cela. Il veut travailler ton intérêt. Cette caractère doux et paisible. Voilà l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est l'école de la souffrance. Amen. L'école des épreuves. Mais c'est pour votre bien. Pour forger son caractère à lui, à l'intérieur. Vous comprenez? L'école séculière et la vie ici donnent l'intellect pour raisonner. Et pour cela, ça doit être le donnant-donné. L'amour calculé. Jésus, quand Dieu établit son règne dans ton cœur, c'est l'amour vrai. Vous comprenez? Donc, je redis donc ce qu'il est en train de dire avant que le Saint-Esprit nous y amène. Il est en train de dire que, un, ce qui amène les gens dans cette voie d'engangan et toutes les autres choses, c'est un. Première chose, c'est l'ignorance. Et comme on est ignorant des voies de Dieu, Satan se présente pour nous présenter ses ténèbres comme étant la lumière. Et donc, les difficultés, quand on n'a pas compris que les difficultés, les tribulations que nous pouvons avoir dans la vie, sont les moyens d'expression de Dieu, d'invitation à festoyer à sa table, quand on n'a pas compris cela. Mais on a compris que s'il y a une difficulté dans votre vie, comme le pasteur qui le dit, le Seigneur, si tu es dans la souffrance, c'est que tu es dans la malchance. Il faut chasser ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut en toute chose discerner quelle est la volonté du Seigneur. Parce que les difficultés que vous pouvez avoir maintenant peuvent être un moment de Dieu pour vous temporiser afin que vous écoutez sa voix. Vous dites, Seigneur, je cherche le travail de plus. Pourquoi? J'ai la malchance, ma tête, j'ai la tête du maquereau. Tu as la vraie tête qu'il avait formée. Ce n'est pas la tête du maquereau. Vous cessez, n'est-ce pas? Notez Ecclésiaste. Et on y va. Et là, maintenant, Dieu te révèle dans un songe que si tu donnais cet emploi-ci, ton voisin proche devait te tuer et t'empoisonner à cause de la jalousie. Tu dis, Seigneur, je te remercie de ne m'avoir pas donné cet emploi. Mais comme il est souverain, il ne répond pas, il ne dit rien. On y va, Ecclésiaste. Ecclésiaste, oh là. Vous y êtes déjà? Non. Aidez là, regardez, ouvrez le psaume, vous avancez, après le psaume, je répète toujours avec les psaumes, à ce moment, les psaumes, vous les récitez. Vous faites souvent, vous avez boum, boum, psaume 51, non? Ouvrez le psaume. Dès que vous avez ouvert le psaume, avancez, vous allez voir Proverbe, après Proverbe, vous allez le voir là-devant quelque part. Ecclésiaste, ici, c'est bon là? Ecclésiaste. Les pages vous avez les mêmes bibles, vous donnez les pages à l'autre. Ok, bien, c'est bon. Ecclésiaste, le chapitre 9. Ecclésiaste, le chapitre 9. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous parlons de la délivrance biblique. Mais ces notions qui sont importantes avant qu'on avance. Ecclésiaste, chapitre 9. C'est encore la Bible des peuples qu'elle a amenée aujourd'hui. Ok. Ecclésiaste chapitre 9. Fondez votre foi sur l'obéissance du Seigneur Jésus et voyez les bénéfices qui en sortent. Fondez votre foi seulement sur lui. Ne fondez point votre foi sur votre capacité, votre aptitude. Fondez sur le Seigneur. Et il fait accompagner votre vie des grâces et des faveurs. Vous allez voir. Chapitre 9 d'Ecclésiaste, verset 11. Qu'est-ce que ça dit, frère Dimi? J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Oui. Ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Oui. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc Dieu veut dire que ce n'est pas parce que tu es sage que tu vas trouver l'emploi. Ce n'est pas parce que tu es trop rapide que tu vas gagner la course. En réalité, si tu gagnes la course, c'est parce que celui qui contrôle le temps et les circonstances t'a fait faveur. C'est, n'est-ce pas? Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Mais un vrai problème se trouve avec nous. C'est que nous avons fait alliance avec Lucifer par nos façons de vivre. Mais quand on veut s'en sortir, on invoque le Seigneur qui nous aide. Dieu a ses principes à lui. Il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. On doit choisir. C'est pour cela qu'après la délivrance qui va se passer samedi, vous saurez maintenant qui vous servez vraiment. Après ça, vous allez voir comment la vie est simple avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, comme je crois qu'une personne a dit ici que je connaissais déjà le Seigneur, c'est notre soeur qui a dit, et que, mais si j'allais quand même aller chez les gangas. Et puis maintenant, samedi, vous venez encore à l'église. Pas vrai? C'est quel est l'identifiant ça? Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez le Seigneur, comme celle-là a dit que l'enfant était malade, elle a dit jamais, pas chez les gangas parce qu'il a fait acte avec le Seigneur. Voilà la bonne foi. C'est-à-dire que même s'il doit mourir, comme. C'est ce que Abednego Shadrach et on dit. Ils étaient en territoire ennemi. On a dit, si vous ne vous postenez pas, on va vous mettre dans le feu. Il dit jamais, on ne se met pas. Dieu est capable de nous délivrer éternellement. Et même s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternons pas. On les a pris jetés dans le feu quand même. Mais Dieu les a fait sortir. Pour montrer qu'il est puissant, n'est-ce pas? Qu'il est le Tout-Puissant. Alors, souvenez-vous très attentivement encore dans cet Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Il dit qu'il a encore vu que la course n'est point aux âgés. Que le pain n'est point aux sages. Tout dépend pour eux de temps et des circonstances. Maintenant, vous connaissant ces choses-ci, tu as les diplômes, tu as n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut seulement te soumettre au maître qui contrôle le temps et les circonstances. Vous comprenez cela? Vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez voir un monsieur qu'on appelle Aman. Vous allez voir une femme qu'on appelle Adassa. Et puis vous allez voir un monsieur qu'on appelle Mardoché. Il y avait un complot pour détruire le roi. Écoutez ça attentivement. Un complot pour détruire le roi, pour faire périr le roi. Et bien, ce qu'on appelle aujourd'hui le coup d'État. Mardoché en a eu connaissance. Il a fait révéler cela au roi. On a écrit ça dans les annales du roi. On a écrit ça dans les annales du roi. Quand on a écrit, on a dit, un monsieur qu'on appelle Mardoché a fait que le roi n'a pas perdu sa place. On a déposé là-bas. C'était dans le livre des hommes, placé là. Mais Dieu avait mis un de ses pions déjà, tranquille et laissé tranquille. Pour un moment bien déterminé, dans une circonstance qui lui est propre. À un moment donné, on va se soulever contre les Juifs. La Bible déclare, frère, la Bible déclare, mes chers soeurs, qu'une nuit bien déterminée, le roi ne peut pas dormir. Vous voyez, quand le moment de Dieu arrive, même au roi, il plie son cœur pour qu'il obéisse à sa volonté. Le roi, il s'est couché comme ça, rien. Il se couche comme ça, rien. On amène le vin, il boit, le vin ne donne pas. On dit qu'on amène une fille, la fille a fait tindidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Après, il a dit, apportez-moi le livre des chroniques. On lit, chapitre 1, on lit les histoires qui sont passées dans le royaume. On lit. Il arrive sur Mardoché, sur la page qui concerne Mardoché. On dit, Mardoché a fait que le roi, le coup d'état ne marche pas. Il dit, hé, on a fait quoi comme récompense à cet homme? On dit rien. Il a appelé le. Donc Dieu a lancé le manque de sommeil au roi jusqu'à ce qu'on résolve le problème de Mardoché. Il contrôle le temps et les circonstances. C'est ça. Ne vous inquiétez pas que vous ayez fréquenté avec quelqu'un. Vous êtes frustré parce que les gens réussissent autour de vous. Vous avez une grâce que Dieu vous appelle à lui. Parce que réussir dans la vie de façon standard, vous avez les maisons et autres là-bas, ça n'amène pas au ciel. La plus grande chose qu'un homme puisse être, avoir sur la terre, c'est de retrouver son créateur. Quand vous trouvez votre créateur, vous allez commencer à comprendre le contentement. Si j'ai la nourriture et le vêtement, cela me suffit parce que j'ai un autre plus grand en haut. Vous savez, c'est ça, frère. Alors, si vous n'avez pas conçu cela bien dans votre esprit, vous n'avez pas bien assimilé ceci, vous allez commencer à imiter. Et là, vous allez entrer dans toutes les dérives qu'on a enregistrées dans le milieu des religieux. Que si tu es pauvre, c'est parce que tu as voulu. Hey, tu veux donner tes dîmes. Hey, tu ne dois pas être pauvre. Dieu est un Dieu riche. Notre Dieu d'argent, Dieu l'argent et l'or appartient à Dieu. Ce n'est pas seulement l'or et l'argent qui lui appartient. Le goyave lui appartient. Vous ne prenez pas le goyave, pourquoi? Le goyave n'appartient pas à Dieu. La terre ne lui appartient pas. Ok, dis à ton voisin de prendre que ta terre que tu as là, c'est mon Dieu qui a ça. Prends ça, prends, on vous voit, vous allez finir au tribunal. Pas vrai, frère? Donc, il faut qu'on quitte ces genres de voies. On vient entre les mains de celui qui donne ces choses-là. Et il donne chaque chose comme il le veut. D'accord? En son temps. Donc, celui qui contrôle le temps et les circonstances. Si on ne maîtrise donc pas ça, on va aller donc chez les gagnants pour qu'il prenne ce que Dieu avait destiné pour toi. Il te présente cela en te donnant avec les démons. Parce que c'est toi qui es venu chez lui. Parce que Dieu a déjà interdit de ne pas y aller. D'accord? Ce n'est pas eux qui donnent la réussite. Ah, même, ces mêmes personnes-là. Vous êtes surpris que vous allez chez une voyante ou bien elle dit Donne-moi 100 000, je vais te faire, tu vas avoir l'argent. Donc il a la possibilité d'avoir l'argent. Lui, il attend seulement 100 000. Vous devez réfléchir. Vous voyez les maisons dans lesquelles ils habitent. Il dit que je vais te faire être riche sur la terre. Lui, il fait quoi dans la pauvreté? Il fait quoi dans la pauvreté? Réfléchissez. Réfléchissez. Il dit que tes enfants vont aller dans les écoles brillantes. Sa propre fille a accouché 3 enfants avec 4 pères différents. Elle avait la possibilité de ne pas aider ses enfants. Donc, elle est là pour distribuer les démons gratuitement. Les marabouts sont là pour distribuer les démons gratuitement. Notez Isaïe chapitre 38. Je ne sais pas combien de versets vous avez là de nous aujourd'hui. Là-haut. Il dit, notez Isaïe chapitre 38. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, d'accord? Donc, nous avons assimilé un. Nous avons assimilé un. Que la personne qu'on appelle Lucifer est puissant. Il s'est séparé de Dieu et Dieu lui a laissé avec la puissance. Deux, nous avons compris que c'est lui qui contrôle toute la terre. Trois, nous avons compris qu'il a ses agents par qui il traverse pour suivre les gens. Nous avons vu cela. Et Dieu a interdit qu'on ne les consulte pas. N'est-ce pas? Quatre, nous avons compris que si vous parlez aux morts, vous vous prostituez à eux. Et Dieu va retrancher du milieu de son peuple tous ceux qui font cela. N'est-ce pas? Six, nous avons compris aussi que les difficultés qui poussent les gens à aller vers eux, c'est parce qu'on n'a pas compris que ces difficultés servent à nous tourner plutôt de Dieu. Vous comprenez? Donc, en l'être humain se trouve l'impatience. C'est ça. C'est l'impatience qui nous pousse dans cette direction-là. L'impatience. Oh, mais voici, vieille, déjà, je suis déjà à 30 ans. Ouais, je n'ai même pas encore un mari. Personne ne me regarde. J'ai la malchance. Qui t'a dit que tu devais te marier avant 30 ans? Qui t'a dit? Les autres ont les enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants. Qui t'a dit qu'il t'a destiné pour avoir les enfants? Ou bien, est-ce qu'il a dit à Sarah, Sarah avait 90 ans lorsqu'il a eu l'enfant, pas vrai? Hein, comme, quel âge? Premier enfant à 90 ans. Vous pensez que le lait va sortir d'où? Le scientifique avait dit, c'est méno. Dieu a dit, plaît. Vous voyez? Parce que ça a commencé là maintenant. Alors, si vous pouvez attendre jusqu'à 90 ans, vous pourrez dire à ton prochain, sois patient. Même s'il y a quoi, sois patient. Pointe quelqu'un dans le nez. Ne parle pas comme ça. Regarde bien, tu pointes son nez. Sois patient. Même s'il y a quoi, sois patient. Voilà. Le fait que tu sois patient, que tu sois impatient ou ne pas ajouter quoi que ce soit. Remarquez très attentivement. Quoi, hier, nous avons lu ici Matthieu chapitre 6, où le Seigneur Jésus a pris les exemples dehors sur les oiseaux, qui ne moissonnent, ne font pas quoi que ce soit. Et le Père les nourrit chaque jour. Il dit, regardez les lits des champs, comment ils sont, comment Dieu les file. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Il dit, si Dieu revêt ainsi, l'herbe des champs qui sera coupée demain pour être jetée au feu, ne vous vêtirez pas à plus forte raison. Il veut dire, Dieu prend soin de vous, mais vous ne savez pas. Dieu s'inquiète de vous, Dieu s'occupe de vous. Mais quand Dieu patiente, il ferme la porte. 2 Pierre, chapitre 3. Oh mon Dieu. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 1 à 13, notez. Quand Dieu prend du temps, vous priez, il n'y a pas de réponse. Son silence est une réponse. Quand vous priez, vous n'entendez pas de voix. Son silence est une réponse. D'accord? Voilà. Quand vous allez dans une maison, dans une boutique, vous voulez acheter quelque chose, il n'y a personne. Vous faites con. Du premier coup, si on ne répond pas, vous faites quoi? Vous attendez, n'est-ce pas? Après, vous faites quoi? Mais Jésus a dit ça dans la Bible. Il dit que cognez, on vous ouvrira. Il n'a pas dit cogner, il n'a pas donné le nombre de fois. Il a dit le nombre de fois dans ce verset. Il a dit cogner, on vous ouvrira. Donc, si tu veux qu'on t'ouvre, cogne. Notez Matthieu chapitre 17, verset 7. Puis, vous notez entre parenthèses à côté, Luc chapitre 18, verset 1 à 3. Je vais citer les deux premiers versets de ce Matthieu, de ce Luc chapitre 18. Je vais citer les deux premiers versets de ce Luc chapitre 18. Matthieu 7, verset 7. Vous mettez entre parenthèses à côté, Luc chapitre 18, verset 1 à 7. Je vais citer les deux premiers versets. Le deux premiers versets dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà le but. C'est toujours prier sans se relâcher. Donc, si on prie, ça ne marche pas en. Ça ne marche pas en. Ça ne marche pas en. Ouais, les gens viennent me voir, dire, frère Junior, j'ai tel problème, j'ai prié. Dieu n'a pas répondu. À cet instant-là, il vient de dire qu'il ne croit pas à Dieu. Donc, il cherche des bras séculiers pour pouvoir l'aider. Parce que quand tu pries, ça ne marche pas. Jésus n'a pas dit que. Je vous montre ce parabole, si vous dites que si vous priez, ça ne va pas aller consulter le pasteur. Et là, je vous montre que vous priez. Si ça ne marche pas, tu pries. Si ça ne marche pas, tu pries jusqu'à ce que ça marche. C'est ça qui va forger votre relation avec le Seigneur. Amen. Si vous priez, ça fait 3 ans avant qu'il réponde. Vous savez effectivement que ça veut dire que finalement il a répondu. La prochaine fois, il veut prier jusqu'à ce qu'il va répondre. Quand le Seigneur dit vous imposez les mains aux malades, malades seront guéris. Il n'a pas dit quand vous allez imposer, il n'a pas dit instantanément. Il a dit ils seront guéris. Il y a une promesse, ils seront. Si c'est un jour après qu'ils sont guéris, que c'est là instantanément, il est guéri. Si c'est 8 jours, ils sont guéris. Si c'est 10 jours, ils sont guéris. Si c'est 4 ans, ils sont guéris. Mais il a dit qu'il faut qu'on impose les mains. Il doit le faire. Le reste c'est entre ses mains. Quand le Seigneur n'a pas donné le temps, ne limitez pas le temps. D'accord? Quand il n'a pas donné le temps, ne limitez pas. Que je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Que Seigneur, tu avais fait ça avec Sarah. Quand tu fais ça, stop d'abord. Tu parles de qui? Sarah. Il avait attendu 90 ans. Il n'a pas dit aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Non, non, non, non, non. 90 ans. Donc quand tu dis comme Sarah, arrête-toi d'abord à cet instant-là. Tu dis Sarah, même Sarah avait dit quoi même déjà? Tu entends 90 ans. Et puis là, tu vas voir que ta prière va changer. Que je me souviens de Batimé. Batimé, il est né aveugle de naissance. Imagine quelqu'un qui n'avait jamais de vie, il était mendiant. Mais ce jour-là, le Seigneur qui passait, c'était son jour. C'est tout simplement le cas de Batimé, c'est pour montrer que même si tu persévères dans n'importe quelle situation, le jour où Christ vient, ta situation va changer. Amen. Donc il faut seulement faire qu'il soit présent avec toi. Amen. D'accord? En résumé, ce sont les 6 constances que nous ne maîtrisons pas qui nous poussent chez les gangas. Les difficultés que nous voulons que ça quitte notre vie. C'est ça qui nous amène là-bas. Ma copine, elle est en France maintenant, elle veut le blanc. Je l'ai vu sur Facebook, elle est comme ça. Elle a dit comment? Je suis allé chez une maman, là, elle m'a lavé. C'est là où je suis parti, il y a eu la chance. Va te laver, on te donne le boa. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle les techniques de publicité. Quand on fait la publicité, on présente les bonnes choses. Si Satan faisait tout, ça ne marchait pas, parce que personne n'ira plus chez lui. Il y a des jours, pour les autres que ça marche. D'autres même, vous venez même chez Satan, il ne veut même pas de vous. C'est pas ça, frère. Ok, on t'a lavé, on t'a même enterré avec le bananier. Le bananier est resté là-bas, toi tu es sorti, non? Le bananier a poussé. T'as pas réussi. Tu t'es lavé, on l'a jeté dans l'autre. Ça a changé. Tu es encore rentré, figuré, encore grave seulement, pas vrai? Donc vous comprenez effectivement que Satan ne veut pas ces gens-ci. Il ne faut que forcer à aller chez Satan. Donc définitivement, chercher le Seigneur. D'accord? Vous voulez chercher le Seigneur de la bonne façon, je suis là pour vous les présenter, ces canaux-là. D'accord? Vous ne pouvez pas le chercher en dehors de sa parole. Vous ne pouvez pas prendre la parole comme ça. Tchin, tchin, tchin, tchin, tchin, tchin, tcha. Quand il fait tcha, tu tombes, repentant ou tu fermes rapidement, non? Parce que l'autre là, ça n'est pas un verset de bénédiction. On ne le cherche pas comme ça. Tu fais tchin, tchin, tchin, tu fais tant, il y a l'âme qui pèse et qui mourra. Tu vas dire comme ça, non, non, non. Que Dieu a fait l'erreur à ce temps-là. On ne cherche pas Dieu comme ça. Regardez comment on cherche Dieu, d'accord? Ouvrez Jacques, le livre de Jacques. Ouvrez Jacques. Dieu, ce n'est pas le tiercé. Jacques, chapitre 1. Rapidement, rapidement. Nous parlons de la délivrance biblique. Première partie. Ça, c'est d'abord l'éclairage. On va venir toucher le cas des esprits tout à l'heure. Souvenez-vous, là, on a mis pause. On a mis pause dans Actes chapitre 16, d'accord? On va continuer là-bas. J'espère qu'on n'a pas fermé. Jacques, le chapitre 1, frère Dimitri, hein? Lis-nous à partir du verset 20. Allons-y, écoutez très attentivement. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Maintenant, écoutez maintenant l'instruction. Mettez en pratique la parole. Stop. Mettez quoi? En pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire que si vous écoutez la parole, vous ne voulez pas vivre la parole. Tout ce que vous faites, c'est pour vous. D'accord? Allez, écoutez encore. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est votre raisonnement. Quand vous avez vu dans la Bible que telle chose a été dit et vous avez entendu ça, à cet instant-là, vous bougez sans obéir, vous avez laissé Dieu là-bas. Amen. Amen. L'obéissance, c'est comme ça avec le Seigneur. Amen. Et il a dit que celui qui sera obéissant dans les petites choses, il va les confier les grands. N'entendez pas que non, Dieu va te dire des grandes choses avant que tu vas obéir, c'est petit à petit. La maison, ce que vous voyez là, comme elle est grande comme ça, on a mis une première pierre. Le ministre, on dit qu'il a mis le monsieur ministre ou le président a mis la première pierre. Le grand édifice qui sera construit, ça, c'est allé à partir d'une première pierre, un premier coup de pioche, un premier creuset. Et puis la fondation a été mise. D'accord? Toute la fondation qui est solide, ça a commencé par une pierre, un parpaing, une brique qu'on a d'abord déposée. Vous cessez, n'est-ce pas? Alors il dit, ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Continuons. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, oui, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous voulez être comme ça? Pointe le nez de quelqu'un donc. Dis ce que tu écoutes. Ce que tu écoutes. Vis cela. Vis cela. Et le Dieu de la Bible sera avec toi. Et le Dieu de la Bible sera avec toi. Amen. Amen. Continuons, frère. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Stop. Soulignez plonger les regards dans la loi parfaite. C'est ce que la Bible appelle par méditation. C'est ça qu'on appelle la méditation. Plonger les regards. Ce n'est pas vos yeux. Ça veut dire que tu imbibes ton cœur dans la compréhension de la Bible. C'est ça qu'on appelle la méditation. D'accord? Mais il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Virgule. La loi de la liberté. Stoppons là-bas. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, virgule, la loi de la liberté. Donc plus tu connais, plus ta délivrance arrive. Plus tu es libre. Regardez très attentivement, suivez attentivement. Donc, à contre de ce que l'esprit qui vient sur cette femme-là dit, tu vas vous dire, le Saint-Esprit, lui, de la Bible, dit, on ne fait pas ça, on plonge le regard, on y reste avec du temps, parce que Dieu a pris du temps pour construire n'importe quoi. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, il prend du temps, il faut qu'il prenne du temps pour le faire. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pas comme ça, c'est pas le fast-food, ça sort. Dieu n'est pas dans les tiercés. Vous prenez du temps parce que c'est la parole de vie. Vous allez prendre du temps pour méditer pour que ça transforme votre être intérieur. Vous comprenez cela? Ok. Continue, frère. Et qui aura persévéré? Il aura persévéré. Souligner persévéré. Vous voyez que c'est le contraire de l'impatience. C'est le contraire de l'impatience, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce que quelqu'un ne persévère pas, c'est quelqu'un qui n'est pas patient. Donc ça veut dire que je lis. J'ai un caractère en moi, Seigneur, je suis colérique. Le verset 20, la partie A dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc ça veut dire que chaque fois, quand je suis en colère, je ne fais pas ce que Dieu dit. Donc Seigneur, ôte cette colère. Ôte cette colère. Pendant que vous lisez, quand vous lisez la Bible vous lit, vous ne savez pas. Vous lisez, vous êtes transformé, comme la Bible déclare. Alors c'est dans 2 Timothée, 2 Corinthiens, voilà. Ne fermez pas, il y a tellement de choses à dire. Quoi qu'il veuille donner une pause, il va prendre de l'eau glacée, puis il va revenir dans la deuxième partie. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Tout ce que ça ne fait, c'est de mettre les jalons. Parce qu'il veut passer maintenant à toutes les questions que vous avez posées tout à l'heure là. D'accord, la deuxième partie. 2 Corinthiens chapitre 3. Hier, nous avons lu ici le verset 16 qui dit, oh, lorsque les cœurs sont convertis au Seigneur, le voile est ôté, le cœur se convertit au Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous avez vu? Là est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lis-nous ça encore, frère. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Suivant, écoutez. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Stop. Vous avez vu ça? Vous avez suivi? C'est ce que Jacques disait. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Oh mon Dieu, donc ça dit, vous n'avez pas encore trouvé. De Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18. Donc, écoutez très attention ce que l'apôtre dit ici. Il dit ce que l'apôtre Jacques disait. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, oui, nous sommes transformés en la même image. Stop. Donc, vous lisez la Bible. Pendant que vous contemplez, vous méditez sur la transformation, sur ce que Dieu dit, ça vous transforme. Vous entendez cela? Vous lisez la Bible, vous êtes surpris que la colère disparaît de votre vie. Vous êtes surpris que subitement, vous ne mentez plus. Subitement, les plaisirs de la vie extérieure, mondaine, ne vous disent plus rien. Après un jour, tu te poses toi-même la question, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est la Bible qui a fait. Ça a un pouvoir de transformation. Pas le livre, les saintes écritures qui s'y trouvent. Ce n'est pas le livre. C'est pour ça que vous pouvez trouver ça chez les marabouts. Le livre, si, ce n'est pas le livre saint. À l'intérieur se trouvent les saintes écritures. Si vous écrivez ça sur le mur là n'est pas saint. C'est l'écriture là qui est saint parce que c'est celui qui est saint qui l'a prononcé. Vous comprenez? Pour que ça marche pour vous, il faut que vous soyez saint. C'est pour ça qu'on ne prononce pas le nom du Seigneur Jésus-Christ en vain. Vous dites, Seigneur Jésus, ah, ça ne marche pas. Non. Parce que si tu es oint de l'Esprit de Dieu, tu prononces son nom, ça marche. D'accord? Alors, ça veut dire, le livre de la Bible, regardez de la bonne façon. Comment on dit, plonger ses regards dans cette loi-là de la liberté. Lorsque vous plongez le regard, la transformation se passe sans votre avis. Voici pourquoi on n'ouvre pas la Bible. Mais vous négligez la Bible, ça sera une pierre d'achoppement pour vous. Chaque fois que vous allez pécher, vous allez trouver des justifications dans la Bible. Ah, ah. Non, Dieu a dit que personne n'est juste sur la terre. Tu cherches seulement le verset qui dit que... Ou le verset où on dit que personne ne peut pécher, ne peut vivre sans pécher sur la terre là. Et tu te consoles avec ces versets-là. Pointe quelqu'un dans le nez. Dis, ne justifie pas tes péchés. Quitte le péché. On va se voir dans la deuxième partie. À tout à l'heure. Acheter, nous prendrons. dire tout notre amour, alors entends nos cœurs.